parti, salut tout le monde et bonjour pour ce podcast des rôlistes dans la cave, un podcast explosif, un podcast qu'on enregistre à Poitiers avec la crème Pictave. Pictave, c'est les habitants de Poitiers, les Pictaviens, avec la guillotine pictavienne qui coupe tout ce qui dépasse, les chantres du game design. Nous allons parler de création de jeux de rôle avec aujourd'hui Gaël Sacré à ma droite. Bonsoir. Gaël, donc toi tu es l'auteur d'un jeu qu'on appelle Happy. Oui, c'est ça. Un jeu solo. Un jeu de rôle solo de développement personnel, de méditation. Ouh là là, c'est pas du jeu de rôle ça? Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Ok, et t'es aussi en train de travailler sur un projet qui s'appelle, pour l'instant, Happy Together. Ouais, donc c'était à la base la version multijoueur, on va dire, de Happy. Finalement, ça s'est révélé être un jeu assez différent. Je pense qu'on va même changer le nom du jeu. Mais voilà. Ok, bon, c'est cool. On a donc aussi Mélanie avec nous. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu as un jeu de rôle en cours de développement? Ouais. Ça se passe bien, ça va? Ça va. Tu veux nous en parler un peu ou... Plus tard? Plus tard. Ok, comme tu veux. Juste pour préciser, Gaël a aussi commencé une chronique vidéo qui s'appelle Mandala. Ah mais oui, bien oui. Vu, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le souligner, tu nous commences une carrière de YouTuber, c'est ça Gaël? C'est ça, je préfère le terme de vidéaste, parce que sinon on se rattache forcément à YouTube, c'est triste. C'est vrai, voilà. C'est vrai, et je crois que c'est de plus en plus revendiqué par les personnes qui font des vidéos. Ouais. Et vous l'avez entendu, on a la star ici, la star internationale. Quelqu'un, la Dream Team quoi, franchement le Paris Saint-Germain peut aller se rhabiller avec ses millions. Bon, nous avons Frédéric Sintès autour de cette table. Salut. L'auteur donc de ce jeu fantastique qui est Prosopopée. Ouais. Et même d'autres jeux mais qui sont tout aussi fantastiques. Au chaud, voilà. Merci. Qui attendent au chaud d'être publiés. Demiurge notamment qui sort. Une vague idée, une petite... Ah non, pas du tout, mais demain, si je fais un pronostic, demain. Il va forcément être faux, donc... Est-ce qu'on peut l'attendre quand même avant 2017? Ouais, j'espère bien. Ok. Voilà. On a au moins un scoop. Mais en fait, en 2016, je disais déjà ça, donc... Il y a une blague de Morgane Reynier, l'auteur de Chrysopée, qui dit « Brace yourselves, Demiurge is coming ». Oui. Voilà. Oui, c'est un peu comme Cosmos, c'est le truc qu'on attend. Voilà, au encore que Demiurge, saisons. Ouais, voilà, ça fait très longtemps. Et moi, pour bien connaître... Enfin, on connaît tous ici Demiurge. Enfin, moi, j'attends la sortie avec impatience. Clairement. Merci. Donc voilà, moi vous me connaissez déjà, hein, Jérôme, donc à part un pauvre jeu pour le Game Chef 2015, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, on va peut-être en reparler tout à l'heure, on verra. Ouais. Alors donc déjà, moi j'ai une première question de base à vous poser, c'est peut-être la plus bête et en même temps peut-être la plus complexe, c'est pourquoi est-ce qu'on crée un jeu de rôle ? Ouais, c'est pas simple. Est-ce que c'est, on parle souvent de propos à la cellule ou à Silent Drift ou enfin ex, ou à la Forge. Est-ce que on crée un jeu de rôle pour exprimer un propos en premier? Est-ce que c'est ça qui vous motive ou c'est pas systématique, je pense. On peut très bien créer un jeu de rôle juste pour créer un jeu compétitif pour le fun, pour se tirer la bourre avec ses potes. et on peut aussi, enfin moi c'est pour ça que je le fais, créer un jeu pour mettre de soi, pour explorer des problématiques, ou bon certes Prosopopée ça a pas l'air d'être le jeu où on explore le plus de problématiques qui prennent aux tripes, mais bon on va dire que la plupart de mes autres jeux sont plutôt dans cette direction là, donc je pense qu'il y a vraiment tout un éventail de raisons possibles de créer un jeu entre la démarche artistique et le pur ludisme, juste l'envie de créer un jeu pour s'éclater entre potes. Pour moi, il n'y a rien de sale. Après, je pense que toute démarche se respecte d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si vous... Ouais, moi je suis d'accord avec ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Ça peut aussi être parce qu'on a l'intuition que une fiction, si on l'écrivait tout seul, c'est bien. Mais en fait, on se rend compte qu'en y réfléchissant, avec l'apport de plein de personnes différentes, ça va créer quelque chose d'inattendu. Et du coup, ça peut être tout à fait approprié par rapport à la thématique qu'on souhaite aborder dans le jeu. Excellent. Bravo. Parfait. Donc, voilà. Et quand on a cette intuition, et ben, parfois, enfin moi en tout cas, ça a été mon cas, on essaye d'écrire une fiction et on se rend compte que non, le médium le plus adapté, c'est vraiment le JDR qui va vraiment permettre de porter la fiction, la problématique, qui va la porter à son maximum. Quoi. D'accord, donc là on parle d'un choix artistique avec un grand A, quoi, c'est-à-dire d'avoir une forme qui colle au fond, et si cette forme c'est le jeu de rôle, eh bien allons-y. Ça c'est quelque chose que Frédéric m'a appris, c'est qu'on choisit un sujet, le médium qu'on choisit il doit être complètement adapté en fait. On ne peut pas parler de tout à travers n'importe quel médium. Il me semble que c'est ça que t'as dit. Ouais. C'est le point de vue de certains théoriciens de l'art, en tout cas, il me semble. Non. Ouais. Oui, moi c'est vrai, par exemple, que j'ai fait... j'ai touché aux jeux vidéo, à la vidéo, à l'animation. Donc dessin animé, hein, pas l'animation dans les, quand, enfin, avec auprès des enfants, encore un peu, quand même. La peinture, la sculpture, je veux toucher un peu à toutes sortes de choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis vachement centré sur le jeu de rôle parce que j'avais vraiment envie d'explorer des choses qui deviennent d'autant plus intéressantes avec l'interactivité, avec le fait d'interagir à plusieurs, avec des règles qui peuvent nous donner des espaces de liberté et puis aussi des contraintes fertiles. Oui, Romaric va encore dire que ça fait pchit-pchit dans la cave. Pardon. Et c'est... Je sais que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, une question qu'on nous posait systématiquement, c'était pourquoi tu as choisi de faire ça en photo ? Pourquoi tu as choisi de faire ça en peinture, en dessin, en sculpture ? Et à chaque fois, la réponse, en fait, était extrêmement importante parce que... Tu pouvais pas te contenter d'une réponse un peu fourre-tout. Il y avait vraiment besoin de justifier à la fois dans ta démarche et dans le sens de ce que tu voulais produire. Tu pouvais pas dire juste parce que je trouve que la photo c'est plus jolie. Ou... parce qu'il y avait vraiment une vraie interrogation sur la démarche. Et donc je pense que par rapport au jeu de rôle, il y a énormément de questions qui se posent, et je pense que vraiment tout ça, enfin, au cœur, il y a vraiment cette notion d'interactivité. Si jamais je coupe la main de Jamie Lannister dans la partie de jeu de rôle, ça aura sans doute un sens et probablement en termes d'émotion, en termes d'implication, quelque chose de très différent quand je regarde la série ou quand je lis le bouquin, quoi. Très bien. Sinon, il y a deux notions qui m'intéressent. Il faut que je la retrouve. Il y en a une qui me plaît bien, c'est le fait que dans un jeu de rôle, les joueurs vont pouvoir se réapproprier le matériau qu'on va leur fournir. On va offrir souvent un propos, une problématique éventuellement. Mais les joueurs, ensuite, c'est eux qui vont être un peu les auteurs aussi de la partie. Et ça me plaît parce que je sais que même si moi j'amène des choses de moi dedans, ils vont aussi pouvoir apporter des choses à eux. Donc ce sera pas seulement mon truc à moi, ça va être un truc qui va pouvoir être... qui va pouvoir être partagé en fait. Ça, ouais. ça me plaît bien parce que souvent quand on crée une œuvre, quand on crée juste n'importe quoi d'autre qui est fixe, qui est figé, ben c'est sa représentation à soi purement, et je trouve ça intéressant qu'on puisse le réapproprier. Ah ouais, l'idée de confrontation de point de vue ou d'échange, moi je sais que par exemple avec vous, c'est sans doute avec vous que j'ai le plus exploré ça, mais moi, un truc que j'adore dans le jeu de rôle, c'est un peu, je sais pas, je dirais mettre mes tripes sur la table ou, ou en tout cas jouer un peu à cœur ouvert. Et je sais que du coup, c'est quand je trouve des personnes avec qui partager ça, c'est ce que j'aime le plus. Peut-être même dans tous les registres fictionnels, autant le cinéma, la littérature, etc., c'est partager autour d'une table de jeu de rôle le fait de partager des émotions, des choses voire assez intime. J'ai pas écrit les cordes sensibles pour rien, parce que c'est vraiment... On en a refait un petit playtest cet après-midi, ça a parlé adultère, carrière ratée, espoir déçu... Un ado qui se retrouve à la rue... Et tout ça avec des super pouvoirs. Ouais, on a ajouté des super pouvoirs, c'était cool. Oui, effectivement, donc ouais, c'est vrai que toi, t'es très comme ça dans le penchant, donc que quand on est un minimum rigoureux, on appelle narrativiste, et on n'appelle pas autre chose, narrativisme. Mais donc, ouais, ce fait vraiment d'essayer de chercher le... Le drame. Voilà, le drame en jeu de rôle, dans le sens où on explore une fiction où il n'y a pas de barrière nette entre le bien et le mal. Donc en fait, tous les choix qu'on va faire, ce sont des choix délibérés. C'est pas le drame au sens larmoyant, quoi. Parce que souvent on entend le drame, ça va être triste, ou... Non, c'est plutôt le drame au sens d'Aristote, quoi. C'est-à-dire... Oui, le drame au sens où Trainspotting est un drame... Voilà, tout à fait. Au sens où tout... Même... Alors, parler de Game of Thrones, même ça, c'est une sorte de drame, en fait. Donc il y a vraiment cette notion de choix délibérés et de choix qui vont avoir des conséquences, et les conséquences qu'on va être obligé d'assumer parce qu'on était vraiment libre de faire ces choix-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez adulte dans cette approche du jeu de rôle. Je veux pas dire par là que les autres sont pas adultes, mais qu'il y a une façon adulte, particulièrement adulte, d'approcher le jeu de rôle, qui est de dire il n'y a pas de barrière morale. On n'est pas dans un jeu où on ne peut que servir une certaine cause, une certaine moralité. Alors c'est marrant, j'entends souvent, à t'entendre, là ça me pose une question, que dans Vampire la Mascarade, le fait qu'il y ait l'humanité apporte une touche de narrativisme, mais du coup l'humanité t'indique clairement quel est le bien et le mal. Oui. Alors du coup... je pense que Vampire n'est pas très clair à ce niveau-là sur qu'il veut faire. C'est bien connu. Ouais, parce que du coup, par exemple, les pouvoirs ont tendance à... peuvent être utilisés pour une forme de... On va dire... Enfin, que certains appellent de grobilisme, mais c'est un terme un peu péjoratif. Donc je préfère un autre, mais sur le coup, il n'y a que celui-là qui me vient. Optimisation. Optimisation, je pense que c'est mieux. Qui peut être tout à fait légitime si c'est la manière qu'on a choisi de jouer, mais je pense pas que ça suffise. Je pense qu'il faut d'abord une situation avec des enjeux tels que on va pouvoir être amené à se dire il n'y a pas de bon choix. Donc, celui que je vais faire, il va forcément avoir des conséquences pourries. Donc il y a un moment où je vais... où je vais en prendre les conséquences dans la face. Et ça peut se faire avec Vampire. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour ça. Je ne sais pas trop quel est le jeu Vampire la Mascarade, mais parfois, même quand un vampire fait preuve d'humanité, c'est faire preuve de monstruosité. Ouais. Donc c'est pas forcément manichéen. Si on prend la fiction True Blood, quand à la fin, c'est Bill choisit de mourir... Ah, le spoil! Oh là là là là! Quand il choisit de mourir, c'est un choix qui est humain, finalement, il en peut plus, mais c'est un choix qui est monstrueux pour son entourage. Quand Godric choisit de mourir, c'est un choix qui est monstrueux pour Eric, pour les gens qu'il aime. Ouais. Donc être humain, parfois, c'est être horriblement cruel avec son entourage. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de manichéisme. D'accord, voilà. Donc ce que tu dis, c'est que la jauge d'humanité ne donne pas de manichéisme. Absolument pas. Et dans les parties nous, justement, où on a incarné des vampires, on n'était pas les plus monstrueux forcément dans nos choix de vampires. On était parfois plus monstrueux dans nos choix juste humains. Et je pense que d'ailleurs, en fait, les vampires ne sont là que pour parler de la monstruosité humaine, et rien d'autre. Donc il n'y a pas de... C'est super, on arrive même à sauver les meubles de Vampire la Mascarade. C'est ça. Après, on peut très bien jouer à Vampire la Mascarade sans aborder ces problématiques-là. Bien sûr. Même si dans le système, il y a quelque chose qui tend dans cette direction, je pense qu'il n'est pas toujours au cœur des parties. Je sais qu'il y a des scénarios de Vampire la Mascarade où ce sont des véritables donjons. Ça peut être difficile d'y aborder des questions d'ordre moral ou de se questionner sur qu'est-ce qui est l'humanité d'un vampire quand on hache du monstre. Alors, je vais faire une digression dans la digression dans la digression. C'est un peu gigogne là, mais qu'est-ce que moi souvent quand j'ai parlé de, on m'a répondu sur le narrativisme que cette approche que tu défends, Fred, est mauvaise parce que les textes originels parlent de encourager l'histoire, de story now, et pas de dilemme ou d'émotion ou de d'anti-manichéisme. Je suis pas sûr de comprendre exactement quelle est la critique. C'est, si tu veux, en fait, pour ces gens-là, on pourrait très bien dire que prosopopée encourage l'histoire, parce qu'on donne des dés qui encouragent la création d'une belle histoire. Et pas... parce que pour ces gens-là, la définition de narrativisme égale dilemme égale non-manichéisme est fausse. Parce qu'il se réfère juste au vieux texte de base. C'est une discussion que j'ai eue tout à fait respectueuse, hein, avec Grégory Privat, par exemple. Ouais. En fait, dans cette définition du drame, elle est dans un supplément de Sorcerer. Je ne sais plus lequel, je sais plus si c'est Sorcerie, Sex and Sorcery ou un autre. Il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4. D'accord. Et, Sorcerer de Ron Edwards. De Ron Edwards, et du de coup. Saint Ron Edwards. Et du coup, c'est pas très loin historiquement des articles de Ron Edwards sur le narrativisme et le reste. En fait, tout jeu de rôle crée une histoire. Pour pas créer une histoire, faut vraiment que tu aies des personnages qui restent immobiles, qui se regardent sans. Donc, en fait, quand il parle d'une histoire, il précise bien. Une histoire telle que on la définit dans une licence de lettres à la fac. Donc c'est très apparenté finalement à la définition du drame en réalité, tel qu'on l'explore dans la dramaturgie. Et d'ailleurs, il me semble que la question s'est posée pour Ron Edwards et qu'il a appelé le narrativisme narrativisme parce que drama était déjà un terme théorique employé dans ce qu'on appelle le DK, je ne sais plus ce que c'est, drama, karma et fortune, DKF. Donc pour pas assimiler les deux termes, il a utilisé narrativisme. Donc il a inventé un mot, narrativisme n'existe pas à la base. Exactement. Et mais en réalité, je pense que l'assimilation avec le drame, tel que en fait dans le threefold model, qui est donc le modèle à trois volets dont il s'est inspiré, au lieu de narrativisme, c'était dramatisme. Et en fait, il a gardé finalement quelque chose de fondamental dans ce concept-là, mais il l'a rebaptisé autrement pour éviter le conflit avec l'autre élément théorique. Et du coup, ça a mis beaucoup de troubles, parce que dans la définition qui dit que on crée une histoire maintenant, on n'a pas forcément l'idée de drame, mais je pense que quand on creuse, finalement, et quand on regarde la plupart des jeux... qui sont les plus représentatifs des jeux qui soutiennent cette démarche créative sur The Forge. Clairement, il y a une forte incitation vers le drame au sens de justement d'exploration des conséquences de nos actes et aussi d'exploration de la liberté. Ce qu'est la liberté. À quel moment je suis libre, c'est quand je suis vraiment responsable de mes actes et inversement. Je pense qu'il y a une confusion qui vient, je pense, du fait que quand des jeux comme Vampire sont sortis, il y avait vraiment, j'ai l'impression, ceux qui soutenaient plus l'idée qu'on devait rester dans le côté stratégique, le côté qu'on appelle ludiste, ou simulationniste, il y a tellement de termes, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je vais utiliser les 100 termes complexes. Les gens qui aiment faire de la stratégie, c'est qui aiment optimiser, etc., qui sont dans des donjons, ou pas toujours dans des donjons. Et puis ce nouveau mouvement de jeu de rôle, où on se concentre plus sur ce qu'on appelle l'histoire, mais qu'en fait, simplement, on se concentre plus sur les intrigues, en fait, des personnages, et moins finalement sur comment je vais utiliser telle épée pour pouvoir, ou comment je vais déjouer tel piège, etc. Et en fait, il y a eu longtemps une dichotomie entre ces deux approches, qui, à mon avis, est assez artificielle, puisque puisque je pense qu'on peut faire les deux déjà dans un jeu de rôle, c'est pas un problème, et que effectivement l'histoire c'est ça qui compte en premier, donc il y a pas de question de d'un côté on fait du roleplay et de l'autre côté on fait de l'optimisation. Non, on fait de l'optimisation pour faire du roleplay et on fait de le roleplay pour faire de l'optimisation, ça va ensemble. Donc après pour ce qui est du narrativisme, du GNS, etc., là on entre dans un modèle théorique qui est assez complexe et souvent il y a confusion entre ça, mais pour moi ça n'a rien à voir en fait. D'un côté on a un débat ancestral au sein du jeu de rôle, et de l'autre côté on a des théories qui ont été fondées à un moment donné, qui ont du sens très précis, et qu'on peut pas mélanger comme ça en disant ah oui là, le narrativiste c'est parce que quand on fait de l'histoire, mais non, ça fonctionne pas. Il faut, si on veut commencer à parler de GNS, il faut s'intéresser vraiment faut mettre les mains dans le cambouis comme on dit, et aller voir, essayer de comprendre d'abord avant de dire oui moi je préfère faire de l'histoire, faire de ci. Et souvent ce qu'on a tendance à dire c'est de dire il vaut mieux dire directement ce qu'on a envie dans une partie, ou ce qu'on a ressenti dans une partie. Par exemple, dans cette partie j'ai bien aimé parce que on a fait un petit peu de stratégie, c'était sympa, par contre j'ai trouvé que c'était dommage qu'il y ait trop ci ou trop ça, et qu'on donne les termes vrais plutôt que d'essayer de mettre des termes théoriques où on n'a pas forcément la définition exacte derrière. Et finalement comme ça on peut se comprendre parce qu'on utilise les mots de tout le monde, et au moins voilà. Okay. J'aurais tendance à dire que si l'intention première de Ron Edwards c'était justement de créer un vocabulaire qui nous aide à discuter de jeux de rôle, vraiment de ce qui est fondamental à nos parties, je pense que certes c'est un peu un échec parce que ces concepts étaient sans doute trop complexes, trop pointus pour qu'on arrive à en discuter facilement, puisque finalement ils sont souvent galvaudés, et c'est compréhensible, moi je les ai galvaudés pendant longtemps aussi, mais ça a été la lecture de beaucoup d'articles, même il a écrit quelques essais qui font des dizaines de pages, voire plus, sur internet, en anglais, et il a fallu un certain travail pour pouvoir au bout d'un moment comprendre de quoi il parlait vraiment, et ne plus faire trop d'erreurs. J'en fais peut-être encore un peu. Puis créer des jeux aussi, enfin créer, même si c'est des pas toujours des jeux finis, mais au moins créer des embryons de jeux, essayer d'imbriquer les théories. Et jouer à des jeux variés. On peut peut-être revenir au sujet initial. Ah bon, tu es. Non, la question c'est, au débat, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit par rapport au... La question c'est, le narrativisme c'est favoriser l'histoire ou... Ou alors, la définition de Freud, favoriser le dilemme moral et le drama. Moi j'ai pas du tout compris en quoi c'était... Favoriser l'histoire, c'est pas favoriser les... C'est que si par exemple tu joues une épopée avec des guerriers musclés qui tabassent des dragons, t'as toujours une histoire mais t'as plus de dilemme et de... Je suis pas d'accord. Tu peux l'avoir, mais... Je suis pas d'accord, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a bien des dilemmes, même si c'est pas... Ouais, mais ce sont des faux dilemmes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Des faux dilemmes où il y a une bonne solution. Une bonne histoire, c'est une histoire qui nous touche, et histoire qui nous touche, c'est rarement une histoire où on va droit vers un seul but, il y a forcément un peu de... Mais ça existe pourtant, ce genre d'histoire. Il y a pas de dilemme. Ouais. Alors, exemple un peu couillon. Les personnages ont des dilemmes, mais c'est juste que l'histoire en elle-même, dans la construction, a priori, il va soit il va choisir finalement la bonne solution entre guillemets, ou alors il va, au contraire, il va faire l'inverse. C'est ça, les épopées. Tu vois, je prends par exemple One Piece. C'est le fameux manga qui a je ne sais combien de saisons. Je suis à jour, hein, j'ai tout regardé. Oh la vache. Eh bien, ça fait, je crois, 733 épisodes. Eh bien, il n'y a jamais de vrai dilemme. À chaque fois qu'un dilemme apparaît, en réalité, ce qui est bon et ce qui est mauvais est déjà sous-entendu dans les valeurs que portent chaque personnage, les antagonistes et les protagonistes. Donc, tu peux pas avoir vraiment ces questionnements moraux. Parce qu'en réalité, le conflit, le combat moral, en fait, il est décidé d'avance. Il est décidé d'avance, ouais, c'est exactement ça. Oui, enfin, je trouve quand même que c'est un peu une critique bizarre, mais bon. Oui, non, mais voilà, je voulais juste aborder ce petit point. C'est, comme je disais, c'était vraiment une gigogne. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très lié, en fait. Bon, mis à part dans les exemples que vous avez donnés. Sinon, pour revenir, juste, j'avais deux notions tout à l'heure et je retrouve la deuxième. La deuxième, elle est plus basique, finalement peut-être plus banale, mais je pense qu'elle est importante à souligner, c'est quand on veut créer un jeu de rôle, c'est que on trouve pas le jeu de rôle auquel on a envie de jouer. Ça, c'est assez bête, mais c'est ça aussi, et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de... Je crois que dans le jeu de rôle, ça va être un des domaines où il y a le plus de gens qui sont à la fois joueurs et créateurs eux-mêmes. Je ne trouve pas de jeu de rôle Mass Effect, alors je me crée mon propre hack ou mon propre... Voilà, soit on prend un jeu de rôle déjà existant puis on le hack, ou alors on en crée un de toutes pièces, ou on pique des mécaniques à droite à gauche. Donc ouais, souvent la motivation déjà, c'est de dire j'ai envie d'avoir mon jeu à moi qui soutient des problématiques que j'ai envie de mettre dedans, ou un univers, souvent c'est ça aussi, si j'ai envie de tel univers, il me plaît, et c'est pas mal. Voilà. Ou parfois même refaire un jeu qu'on a où on a aimé des mécaniques, et puis on se dit c'est dommage, là ce jeu il aurait pu être trop bien, et dire plutôt que de le hacker un peu maladroitement, je le refais moi-même, et puis finalement à la fin souvent ça donne un jeu qui a rien à voir. C'est super, parce que c'est là où je voulais en venir, parce que effectivement il y a des auteurs qui font des jeux pour formaliser leurs pratiques qu'ils ont déjà à leur table, ou même pas à leur table. Je sais pas à quel point le Grumpf pratiquait déjà sur Donjons et Dragons de façon similaire à ce qu'il a sorti dans Oltre. Je sais pas, mais du peu que j'ai pu comprendre, il y a des similitudes. Est-ce qu'il a pas fait ça parce qu'il voulait avoir sa propre pratique mise en forme? Et je crois savoir que c'est un peu ce qui t'est arrivé, Gaël, avec Happy. Est-ce que tu faisais ça déjà un peu tout seul, à ce que j'ai cru comprendre? C'est vrai que là, en l'occurrence, Happy, c'est assez particulier, puisque j'ai créé le jeu pour moi, vu que c'est un jeu solo. Donc je l'ai créé pour moi, et j'avais pas forcément... bien sûr, dans ma tête, je me dis, je pourrais peut-être le proposer, mais au début, j'étais vraiment en mode, je le mettrais peut-être en PDF, et puis si ça plaît à des gens, je le mettrais. Et puis en fait, à force d'y jouer, je me suis dit, mais il y a un vrai potentiel dans le jeu, quoi. Il pourrait, je sais pas, aider des gens, ou... Oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, non, mais j'attendrai que tu finisses. Et vas-y. Et donc, finalement, je me suis lancé dans le côté éditorial, et j'ai vraiment voulu le publier et lui donner une chance, en me disant, c'est pas parce que c'est un petit jeu, là, je fais des guillemets, même ça te voit pas, qu'il a pas le droit à une chance, et que surtout, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il peut aussi intéresser d'autres gens. Que les rôlistes qui sont déjà dans le domaine, mais il peut aussi intéresser d'autres gens qui sont pas dedans, vu qu'il est assez accessible, etc. Sans rentrer dans le détail, ça se vend un peu Pas des masses, mais après j'en ai pas fait une grosse promo, parce que c'est pas je compte pas vraiment, mais peut-être sur la durée, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le temps aussi. Pour l'instant j'ai fait un peu de promo au niveau des rôlistes, ou en tout cas des communautés que je connais, mais à terme j'aimerais bien prendre le temps d'aller peut-être dans des salons, par exemple de bien-être, de développement personnel, etc., où là je pense qu'il y aura un public pour ce jeu là après je pense aussi c'est le fait de sortir d'autres jeux, c'est un peu bête, mais là pour l'instant on va pas forcément prendre en sérieux, c'est un petit jeu encore entre guillemets que je sors comme ça. J'espère bien en sortir d'autres, et que du coup avec s'il y a de l'engouement pour les autres, que ça puisse revenir aussi sur celui-là. D'accord. Ouais. Par rapport à ce que tu disais juste avant, Gaël, moi j'abonde dans ton sens, dans l'idée que beaucoup de gens sont à la fois créateurs et joueurs, ou MJ, que je considère comme un joueur aussi. En fait, dans Les Forges de la Fiction d'Olivier Caïra, il formule une hypothèse qui est assez intéressante sur l'émergence du jeu de rôle, qui aurait techniquement pu apparaître il y a très longtemps, mais finalement on n'a pas de traces de jeu de rôle tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais des choses qui s'en rassemblent, des jeux dans l'Oulipo ou autre, mais qui finalement ont une différence, ont souvent des différences assez importantes. Donc il justifie ça comme l'idée que ce soit une culture où on a énormément de références fictionnelles qui nous permettent finalement de les mettre en commun pour partager à une table une aventure ou une histoire dans laquelle on a tous en tête, si on parle d'un Jedi, on sait tous ce que c'est, quoi. Et Mélanie fait le nom de la tête. C'est vrai que Mélanie n'a pas vu Star Wars. Ouais, bon, oui, mais on compose le groupe pour, ou alors... Non, mais le Seigneur des Anneaux, tout le monde sait ce que c'est. Enfin, voilà. Gloom, voilà. Et ça n'a pu être possible qu'à partir des années 70, où il y a eu une vraie recrudescence, à la fois par le cinéma, par la télé, etc., de références fictionnelles communes. Une culture de masse autour de certaines fictions, mais avec une esthétique visuelle partagée par tous. Ouais. Ouais, tout à fait. Et avec surtout certains produits culturels qui écrasent complètement les autres au niveau du succès, au point d'être commun, quoi, vraiment. Et je pense que c'est d'autant plus frappant que vraiment, si on retrace l'histoire des jeux de rôle les plus connus, ils se font tous énormément référence à des œuvres de fiction dites linéaires, c'est-à-dire des livres ou des films ou des séries qui existaient avant. Il y a, cultes, en fait. Il y a vraiment l'idée de culte. C'est ça. Autant Donjons et Dragons est très imprégné du Seigneur des Anneaux et de Howard. Plein de trucs. Oui, plein de choses. Voilà, Stormbringer et plein de choses comme ça. Et après, on trouve. Cthulhu, c'est les univers de Lovecraft, Star Wars, James Bond, et tout au long de l'histoire du jeu de rôle, on se rend compte que c'est très très très imprégné justement d'un fandom, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Même cyberpunk ou quoi, c'est quand même un canon qui est le canon du cyberpunk, tel que naît dans les comics et les mangas du genre, et qui sont assez codifiés finalement. Dans les romans. J'ai l'impression que c'est vraiment au cœur de la création de jeux de rôle et de l'envie de jouer aussi au jeu de rôle. Et moi-même, en tout cas, la plupart des jeux que je crée sont très très très fortement imprégnés de fiction que j'aime ou qui m'intéresse particulièrement parce que ce qu'il y a dessous, ce que ça. C'est là. Ouais, Mélanie. Non, c'est pour revenir. Tu peux rappeler la question que tu avais posée à Gaëlle, s'il te plaît. Le jeu de rôle que l'on crée pour reproduire une expérience que l'on a déjà. Oui, en fait, je voulais réagir là-dessus parce que je pense que c'est tout à fait ça. Parce que je pense que même s'il y a un contrat social au début d'une partie, où on va tous s'accorder sur la façon dont on va jouer, on va quand même tirer un peu la façon dont on joue vers ce qu'on aime. Moi, je sais que dans tous les jeux auxquels je joue, je vais quand même jouer un peu comme Mélanie, elle aime jouer. Je vais aborder des problématiques que Mélanie, moi joueuse, et mon jeu que je développe, il est pile dans ce que j'aime aborder dans les fictions que je... Enfin, ça va vraiment synthétiser, on va vraiment reprendre toutes mes pratiques de jeu, et je les ai un peu refoutues dans le jeu que je suis en train de créer. C'est vrai. Donc, je sais pas, mais moi j'ai cette expérience-là, et j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être de ça, effectivement, de... Ouais, c'est flagrant. Hein, c'est flagrant. De qui? Pour moi? Pour toi. Ah, oui. D'accord, ok. Pour tout le monde, hein, franchement. Et pour tout le monde, probablement. Voilà. Enfin, en tout cas, pour les gens qui viennent autour de la table. C'est un peu les bisounours au pays des confiseries. Imaginarium, qui est un autre jeu que je suis en développement. Et Mélanie, c'est l'inverse. C'est pas si bisounours que ça, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Mais t'as pas fait exprès. En fait, souvent, les jeux que je crée sont un petit peu en mode où tout le monde est heureux, etc. Et en fait, il y a toujours un sous-texte assez triste, en fin de compte. Mais oui. Mais si je prends par exemple l'association dans laquelle on était tous, ils font beaucoup de jeux de rôle, ils parlent de JDR amateurs, ils font leur JDR à eux, leur JDR maison, et en fait quand on joue à leur jeu, moi je trouve qu'on retrouve de l'identité de jeu de chacune de ces personnes dans leur jeu. C'est vraiment... moi je trouve en tout cas. Oh mince, maintenant tout le monde sait que j'ai fait une drôle de tête. Pardon. Ouais, après ça peut se jouer sur des choses subtiles. Oui, des fois c'est juste un trait de caractère qui est récurrent, mais je trouve quand même que quand on crée un jeu, c'est un mode de jeu qu'on pratique. Puis plutôt que on met tout pouf dans son jeu. C'est toujours une sorte, de toute façon la création, je pense en général, est toujours une sorte de projection de soi-même. je vous ai séché là. oui. Je sais plus, on doit pouvoir trouver une demi-douzaine de citations de Nietzsche qui vont dans ce sens, je crois. Ouais, après il y a aussi. Tout œuvre est un aveu, je crois, un truc comme ça. Après, on peut aussi créer des jeux de rôle en mettant finalement que nos goûts en évitant au maximum les problématiques profondes, intimes. Je pense que quand on... enfin, par exemple, une création comme Pathfinder, j'ai du mal à trouver l'identité de l'auteur dedans. Le truc, c'est que Pathfinder, c'est différent parce que c'est créé par plein d'auteurs en même temps. Donc là, c'est normal que ça soit peut-être dilué. Je trouve que quand même... En plus, à partir d'un système... Pathfinder, faut dire ce qu'il y a. C'est juste des mecs qui n'étaient pas contents de la troisième édition, des équilibrages de la troisième édition de Donjon et qui ne voulaient pas passer à la quatrième. Ouais. Parce que c'est ça, c'est un rééquilibrage perso des règles de la 3ème et de la 3.5 de Donjons et Dragons. Alors, soit disant que c'est mieux, moi perso j'ai pas envie de réapprendre les règles de 3.5, déjà que j'ai plus envie de jouer à 3.5, donc mais voilà, clairement l'intention là, alors je sais pas, je crois qu'ils ont développé leur propre univers, leur propre campagne, et qu'il y a quand même beaucoup de choses. Après là je veux pas non plus trop mouiller, mais en tout cas niveau système, ils ont pas inventé l'eau chaude. Hein. Je suis méchant. Mais bon, après, c'est assumé de leur part, je pense aussi. À moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur le pourquoi on crée, j'aimerais transitionner sur autre chose. Allez. On a parlé du GNS un peu tout à l'heure. Le GNS, alors tout le monde dit que ça sert à rien. Et d'autres ont dit pendant un temps que ça ne servait qu'aux créateurs de jeux et aux théoriciens. Est-ce que le GNS vous sert quand vous créez des jeux? Oui. Énormément. Ah oui. Je pense que, donc comme je disais, c'est un peu l'échec du GNS d'avoir été un outil de langage pour se comprendre quand on parle jeu de rôle, parce qu'au final personne ne se comprend quand on parle de GNS, sauf finalement quand on a vraiment eu envie de comprendre de quoi y retourner. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui... moi ça me sert énormément parce que ça m'a permis tout d'abord de comprendre qu'il y avait bien plus de diversité des possibles en jeu de rôle que ce que je croyais. Pour moi, la première version de Demiurge, c'était un jeu qui ressemblait à beaucoup d'autres, en fait. C'était comme la première version de Sens, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas, la première version de Sens, c'était au début, elle était dégueulasse. Ça ressemblait un peu au système de vampires. Je crois que j'ai compté 14 versions différentes de Demiurge. Que j'ai testé au fil du temps et qui ont évolué progressivement. Il y a eu un changement radical quand j'ai découvert Dogs in the Vineyard qui m'a franchement bouleversé dans mes croyances et conceptions au sujet du jeu de rôle. Dogs in the Vineyard de Vincent Baker. Il y a des influences très claires dans les mécaniques. Hein, je pense. Oui, quand on connaît les deux, c'est... c'est flagrant. Ouais, il y a eu même des versions, moi, que j'ai connues où c'était très très proche de Dogs. Ouais. Et puis au final, bon, je suis allé vers poker, un truc déjà, plus ou moins un peu différent, mais bon, tout ça pour dire que je pense que un jeu comme Prosopopée n'aurait jamais existé sans le GNS, par exemple. D'accord. Mélanie, oui. Oui, alors moi je vais dire un truc qui va peut-être passer pour un gros troll. Ah, mais je pense qu'en fait sans les théories, sans le GNS et sans toutes les théories issues de la Forge, on aurait des jeux qui, en dehors du background, ça serait toujours le même système. Voilà. En dehors de l'univers. Et en dehors de l'univers. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui vont me soutenir que si, les systèmes sont différents, moi j'ai toujours l'impression d'avoir affaire à des jeux qui sont tout le temps... qui ont une volonté de parler de choses différentes, mais comme le système c'est toujours le même, en fait on se retrouve à bricoler des trucs pour faire en sorte que on joue bien à autre chose que... C'est vrai que... Objection. c'est vrai que les jeux univers avec fiche de personnage, caractère, compétences, pôle emploi, c'est quand même une grosse majorité. Il y en a encore qui sortent et où les auteurs et autrices disent clairement je m'en fous des règles, de toute façon l'important c'est mon univers, je veux qu'on explore mon univers. Et c'est vrai que, alors oui, c'est pas le même jeu qu'un autre, c'est Tekken, c'est pas Street Fighter, mais ça reste des jeux de baston. Les gens ils comprennent pas que oui, effectivement ils sont dans le même genre de jeu, en fait tous ils sont bloqués dans un genre. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, hein. Alors je sais pas si c'est vraiment dû au GNS qu'on ait plus de diversité, mais en tout cas clairement je pense que si on recoupe les gens qui ne s'y intéressent pas et les gens qui produisent des jeux qui se ressemblent tous, il doit y avoir quelque chose d'assez commun. Après, j'ai l'impression qu'il y a deux présupposés très très différents. C'est-à-dire que dans l'écriture d'un jeu de rôle, donc dans ce qu'on appelle traditionnel, qui n'est pas uniforme en réalité, parce que bon, entre Patient 13, Donjons et Dragons 3.5, L'Appel de Cthulhu et Nobilis. Bon, Nobilis, on peut pas dire. Mais bon, bref, on se comprend. Il y a des choses très différentes. Il y a probablement déjà des natures d'expériences différentes en soi. Mais je pense qu'il y a un présupposé de base qui est assez différent entre les jeux que moi je crée, qui sont, j'aime appeler plutôt des jeux spécialisés, c'est-à-dire des jeux qui sont complètement tournés vers une expérience ou en tout cas un type d'expérience très précis, et des jeux que j'appellerais plutôt boîte à outils, qui sont des jeux qui disent plutôt OMJ, pour l'expérience que vous avez construite, vous et votre table, voilà des outils. Inspirez-vous, inspirez-vous de l'univers, de ce que vous propose dans le bouquin, et puis normalement, et c'est vrai que ça peut marcher. Bien sûr, ça peut. Mais c'est après, je sais que, je crois savoir que, que toi, par exemple, Mélanie, tu as beaucoup joué en club. Oui. Et donc, j'ai testé un peu tous les jeux dont tu as parlé. Ouais. Et justement, j'avais cette sensation que même si la volonté du jeu était de fournir une expérience différente, à un moment donné, quand on est bloqué sur une fiche de personnage avec des compétences, quand on est bloqué sur quelque chose de très cadré comme ça, dès qu'on en arrive à l'instant du conflit, parfois c'est complètement pas adapté à la fiction en fait. Oui, c'est possible. C'est complètement dysfonctionnel. Mais alors, je pense qu'il y a des groupes qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ah oui, qui ont, mais moi je le dis finalement, souvent, j'ai fait des. Sans doute une expérience de jeu et une pratique qui est consolidée de ce fait. Et. En club, c'est difficile d'arriver à ça parce qu'on a souvent des gens d'horizons différents. J'ai quand même fait une de mes meilleures campagnes en club. Je tiens à signaler que j'ai fait là une grosse généralité. J'ai dit attention, c'est un troll. Mais... qui dit troll dit que j'ai exagéré. Mais tu vois, et le bémol que tu apportes, c'est exactement ce que j'allais dire, tu vois, c'est très bien. C'est un bémol qui porte sur les campagnes. Et pourquoi est-ce que les rôlistes traditionnels célèbrent autant les campagnes de jeux de rôle? C'est parce que les campagnes dire. Permettent, au fur et à mesure du temps, tacitement trouver un contrat social commun, sans même qu'on ait posé la question. C'est à force de jouer ensemble, on finit par l'habitude, quoi. Et c'est pour ça, et c'est vrai que effectivement quand on fait ça on arrive à des parties extraordinaires, mais je suis désolé les cocos, ça vient pas du jeu. Mais ça, oui, ça marche souvent mieux aussi quand ça vient de vous, les gens, c'est vous qui êtes formidable. Parce que moi quand je suis arrivé à Poitiers, j'ai constitué plusieurs groupes et on avait tous des pratiques différentes, voire divergentes, à table. Et même en jouant en campagne, des fois, c'était pas évident pour nous d'accorder nos violons. Ouais. Et le fait de jouer maintenant à des jeux spécialisés, ça simplifie énormément de choses à ce niveau-là. Sauf quand on joue avec des personnes qui ont l'habitude souvent d'une pratique qui fonctionne très bien, qui ont du coup du mal à intégrer des principes très différents de leur pratique. Je suis exactement d'accord avec Ren, donc j'apporterai encore un bémol au bémol, c'est que parfois on tente une campagne, on tente d'instaurer un contrat social, et les pratiques sont tellement divergentes, on vient tellement chercher autre chose chacun dans le jeu, qu'en fait, le truc, soit on continue, mais on y éprouve parfois un déplaisir de plus en plus croissant et on se demande pourquoi on continue, soit ça périclite, quoi, tout simplement. Donc, et ça, je trouve qu'avec les jeux qui sont issus, ou en tout cas qui ont été bâtis sur les théories, enfin la théorie GNS et plus généralement les théories forgènes, parce que les théories. Ouais, j'allais en parler justement. Voilà, mais les vas-y. Théories forgènes, c'est pas que le GNS, mais c'est tout un tas de théories qui sont. Je vais y venir après. En fait, c'est vraiment de se dire. Ça se trouve, mon jeu va pas plaire à quelqu'un parce que ce que j'aborde est trop comme ci, trop comme ça, trop spécialisé, les règles, machin. Mais au moins, moi en tout cas, je peux d'expérience dire que je n'ai pas eu une seule partie issue de ces théories-là qui a échoué. Des parties bof, mais des parties qui échouent, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le jeu, il fonctionne. En théorie, quand il est fini tout bien, ça fonctionne. Ouais. Dans la mesure où on est plutôt en phase avec le jeu, je pense qu'on a une amplitude d'échec et une amplitude de qualité finalement qui est un peu plus resserrée, quoi. C'est ça. En fait, les jeux, ça devient un truc où on les aime ou on les aime pas. Oui. C'est pas j'ai essayé et j'ai pas réussi, quoi. Oui. J'ai essayé, le moteur il m'a claqué dans les mains, j'ai fait 10 mètres. Non, avec un jeu de rôle tradit, si au bout de 10 mètres on s'est arrêté, c'est qu'on n'aimait pas la bagnole, c'est tout. Mais j'ai même l'impression que quand on décrit un jeu de rôle qui a été construit sur ces théories, quand on décrit un peu comment ça se joue, les gens ils voient tout de suite si ça va coller, si ça va pas coller, quoi. Ils vont de même pas trop se mouiller, quoi. Enfin, peut-être. Il me semble que les gens, si le jeu est bien... Enfin, moi, j'ai vu, hein, des gens, ils me disent, oh, bah non, ça, du coup, j'ai pas envie. Ça, oui. Parce que c'est clair, quoi, la démarche, elle est... Voilà. Du coup, on parle d'autres théories, d'autres concepts. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont utiles à la création d'un jeu ? Alors, bah déjà, comme on en parlait, c'est comme Mélanie disait, effectivement, il n'y a pas que le GNS. Et souvent, on a tendance à réduire les théories issues donc du forum The Forge, notamment, et les théories qui ont suivi. Oui, puis il y a aussi des auteurs qui ont développé leurs propres théories sur les forums. Voilà, c'est ça qui rend les choses assez complexes aussi. Oui. Mais souvent, quand même, on attend. Je prête des avis à certains, mais j'ai l'impression que souvent on dit en gros le GNS c'est une sorte de corpus théorique, de théorie globale, alors que non, en fait c'est juste un outil, c'est un morceau en fait. Et souvent le problème c'est que les gens veulent se servir du GNS alors qu'en fait il faut d'abord comprendre, on appelle ça le big model en général, la théorie de base, on va dire, en tout cas, qui était issue notamment de Ron Edwards, et puis ensuite qui a été développée avec toutes les discussions et les créations de jeux qui ont eu autour du forum américain, enfin anglophone, The Forge. Et oui, en fait, il y a plein d'autres outils. Après, si tu as envie de dire quels outils on peut. Il y en a plein, mais déjà comprendre pour moi, la base, et c'est souvent ce qu'on a du mal à même à transmettre, nous, c'est comment expliquer le 101, quoi, c'est-à-dire la base même du big model. C'est vrai que ce 101, comme tu dis, la base du big model avec le contrat social qui englobe le système, qui englobe les techniques et l'exploration. C'est un contrat social, exploration, technique, voilà. Et éphémère. C'est pour ça que c'est lui. Tu vois, je suis mauvais. Ouais, mais... C'est pour ça que c'est Frédéric qui doit faire le 101. Tu vois, et c'est vrai que ce truc-là, moi, alors bon, déjà je le connais pas par cœur, mais en plus, j'ai l'impression que les gens s'en branlent, quoi, littéralement. Le GNS, déjà, les gens ils s'y intéressent vaguement pour dire que c'est de la merde, pour la plupart. Mais alors le big model qui est quand même la base du GNS, les gens ils s'intéressent même pas à la base, en fait. C'est ça, le GNS repose sur le big model. Donc en fait, si on détache le GNS du truc, c'est souvent, je prends l'analogie avec la science, c'est un peu comme si on essayait d'expliquer la physique quantique sans avoir expliqué d'abord la relativité restreinte. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est la même chose. C'est pas mal. Mais c'est ça, il faut en avoir l'utilité pour se plonger dans un travail. Après, c'est pas vraiment de la théorie, dans le sens où la théorie ça fait scientifique, alors que sur The Forge il y a rien de scientifique, on est plus dans comme dit Christophe Buckley, si plus dans une forme d'approche phénoménologique, jeu de rôle, donc il faut en avoir l'utilité d'une part, et en plus moi par exemple je sais que le GNS, je peux pas dire je m'en sers comme un patron, à chaque fois je suis à la lettre et puis j'ai un super jeu, c'est pas du tout le cas. C'est un outil d'analyse, en fait. C'est un outil d'analyse, exactement. Et grâce à cet outil d'analyse, j'arrive mieux à comprendre, quand je teste mes jeux, quand quelque chose cloche, pourquoi ça cloche. Et c'est à peu près tout, hein. Mais grâce à ça, Du coup, il y a... Pardon. Non, j'ai juste l'impression, voilà, parfois d'arriver à faire des jeux plus cohérents. Bah donc d'abord, le big model. Ensuite, bah, je sais pas, il y a des concepts clés. Le principe de Tchégué, par exemple ouais. Le fait qu'il vaut mieux éviter de se poser soi-même ses propres problèmes et les résoudre tout seul en tant que joueur pendant une partie de jeu de rôle, sinon c'est un peu relou, c'est un peu nul. Il faut pas être son propre antagoniste. Voilà. Ah. C'est un certain Jérôme Schultz a évoqué ça sous le nom du principe des chaussettes. C'est ça, c'est un peu comme quand on est un seul marionnettiste avec une chaussette dans chaque main et que vous les faites parler l'une à l'autre. Ou qu'on essaye de se chatouiller soi-même. C'est ça. Ouais, très belle expression. Je l'aime bien. Ouais. Après, il y a des jeux qui arrivent quand même à marcher... tout en contredisant un peu ce principe, mais voilà, moi je sais qu'en général j'ai un peu de mal avec ce genre de jeu. Mais c'est comme toute règle après, c'est-à-dire qu'on les connaît et après on soit on les observe, soit on joue avec et on essaye de ouais, voilà, les transgresser, les transgresser. Passer outre. Mais ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi des concepts qui ne sont pas forgiens. Est-ce que le concept de système zéro vous a déjà aidé ? Eh ben oui, d'une certaine façon. Bon, déjà oui. Alors, concept, parce que... Le système zéro, je rappelle, c'est un concept de Jérôme Larré, oui, de Brand, sur son blog Tarte aux fraises. Ouais. Moi je découvre donc. Ouais, c'est un peu l'idée que si tu enlèves toutes les règles d'un jeu, mm-hmm, tu arrives à une forme de pratique un peu fondamentale. Et si jamais tes règles elles permettent pas de jouer mieux que qu'avec ce système zéro là, bah ça va rien, tu peux les virer. Ah ouais, c'est bien. Sachant que le système zéro est ta pratique à toi, il est tout le temps personnel, il me semble. En tout cas, au sein d'une table. Je pense que le système zéro d'un jeu comme Prosopopée n'a rien à voir avec le système zéro d'un jeu comme l'Appel de Cthulhu, par exemple. Ah, c'est intéressant. Ouais. On serait curieux de savoir ce que Brand en pense. Ouais, je voulais... Peut-être qu'il nous répondra. Mais en fait, je sais pas. Les théories forgéennes, c'est pas genre... Il y aurait que elles qui compteraient. C'est l'idée, c'est simplement de se dire qu'il y a peut-être des théories qui vont nous aider à mieux comprendre comment fonctionne un jeu de rôle et comment le créer. Et elles sont, a priori, tout est bon à prendre dès que c'est... Oui, en fait, c'est de la recherche et développement. C'est-à-dire qu'on réfléchit à tiens, et si on faisait du jeu de rôle comme ça? Et si on se disait, tiens, le jeu de rôle, ce serait constitué de telles briques-là. Et puis si on les imbrique différemment, ça ferait des jeux qu'on n'a jamais fait avant. En fait, c'est ça. Donc on est perpétuellement en train de chercher, et en fait, entre le début où Ron Edwards a commencé à réfléchir au big model et aujourd'hui... Où on a des freeforms, des jeepforms, des trucs complètement farfelus, comme ce fameux pack de jeux féministes que je vous conseille d'acheter, même si je ne l'ai pas encore acheté. Il a l'air formidable. Je mettrai le lien. Ah, c'est bien, des jeux poèmes qui font 10 lignes à tout casser. Moi d'ailleurs, du coup, j'ai une question. Fred, toi, les articles que tu écris, ils ne sortent pas tous des théories forgées. Enfin, c'est pas des retraductions des théories forgées systématiquement? Non, alors... Déjà, on n'a pas parlé que effectivement tu faisais des articles sur ton blog. C'est vrai. C'est ça. Je crois que je l'avais noté sur ma fiche de notes. Ouais, je fais pack de la théorie. Je m'occupe de la promo ce soir. Donc c'est sur le Limbic System, le site de Frédéric Saintès, où on peut aussi retrouver Prosopopée et les prochains jeux en développement. Ouais, alors Limbic System, c'est comme pour Sens. C'est un nom, vaut mieux rajouter JDR après si vous voulez être sûr de tomber sur son site. Sinon vous allez apprendre plein de choses en médecine, ça peut être sympa. Mais en psychologie cognitive et en neurosciences. Mais du coup, alors, le blog Limbic System. Oui, alors juste termine. Du coup, dans son blog, oui, j'avais pas terminé. Non, c'est pas grave. Donc dans le blog. Et voici un espace publicitaire. Autopromo. C'est ça. C'est de l'autopromo. Merci Flavie. On l'aura fait. Si tu nous entends. Donc sur le blog de Limbic System, il y a tout un tas d'articles théoriques de Frédéric qui sont super intéressants, qui sont assez suivis. Et donc voilà. non, mais c'est important de le dire parce que il y a vraiment. Voilà. Vraiment, voilà. Non, mais parce que sur la. Je le disais, le forum The Forge, il y a eu plein de théories qui ont été développées. Le forum aujourd'hui est fermé. Il y a plein d'autres auteurs qui sont issus de The Forge ou qui sont inspirés et qui ont créé aussi leurs propres théories, etc. Et en France aussi, on a aussi des penseurs, des théoriciens comme Frédéric qui nous fait des théoriciennes, exactement. Mm-hmm. Et qui nous font des pour super. Pour les citer, Grégory Pogorzelski, Eugénie. Donc Jérôme Larré dont on a parlé juste avant, Morgane aussi, Morgane écrit son petit lot de articles théoriques, Morgane bien sûr, Thomas Munier en écrit un peu, Vivien aussi, ouais, quand même, hein, quand même. Ouais. On réfléchit voilà, beaucoup. Mais juste, j'aimerais bien revenir à la question. Oui, ouais, pardon. Voilà, est-ce que toi, bon, tu ne fais pas qu'une traduction des théories forgiennes, enfin, tu fais plus que ça. Ouais, alors c'est ça, c'est qu'au départ, par exemple, j'avais écrit ma petite version, enfin ma compréhension du GNS. J'ai fait pas mal de parallèles ou de développement à partir de d'articles ou même de phrases de Vincent Baker, Ron Edwards et compagnie. Et puis en fait, ça m'a donné aussi, enfin plutôt une base de réflexion qui m'a permis après de développer un peu les miennes aussi. Concernant aussi des fois mes lectures, parce que je lis pas que des articles de jeux de rôle. Et voilà, donc oui, il y a de plus en plus de choses qui sont de moi quand même. On pourrait parler de la synesthésie, par exemple. Ouais. Ah, ça, c'est un concept synthésien, ça, pour le coup. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça, comme dit Fabien, c'est le gars qui a réussi à écrire un concept qui porte son nom. La synesthésie. Synesthésie. Oui. On en a deux, parce que oui, le maelstrom. C'est ça. Mais en fait, du coup, si on parle de théorie... Et si on veut savoir comment on va faire son jeu, bah d'abord, c'est qu'il faut se poser des questions par rapport à son jeu. Et c'est après qu'on va voir de quoi on a besoin pour le créer. Mmh. Et si on parle de création, enfin pour moi, là, c'est une des premières choses à faire, c'est qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut raconter, comment on veut que la fiction se passe. Ah, y en a, quand on voit sur Discussion de Rôlistes, hein, le groupe Facebook représente les gars, hein, wesh. Mais de toute façon, ils nous écoutent pas. Mais il y en a beaucoup qui commencent par la création d'univers. Hein. Alors, moi, c'est ce que j'avais, j'avoue. Je me confesse. C'est ça. Ah j'avais commencé par là, il y a. Oula, c'était en 2008, donc j'étais jeune. Et j'avais commencé par la création de l'univers. Et en fait, c'est la même année, j'ai rencontré Romaric en convention. Et j'ai d'ailleurs joué le scénario d'Ekina, je crois. Et on avait eu une discussion. C'était probablement Blue Sky, plutôt. Peut-être Blue Sky. Et en fait, c'est lui qui m'a complètement bouleversé ma vision des choses, puisqu'il m'a dit, plutôt... Alors peut-être qu'en fait, je lui prête des propos qu'il n'a jamais eus. Ça t'en a influencé, quand même. Romaric a dit ça à un membre de la guillotine pictolienne, c'est ça. Private joke, désolé. Donc, excuse-moi, Mélanie, tu dis non, ça. Il me semble bien... Romaric t'a dit... Non, il me semble que... Je vais pas lui prêter des propos. Mais il me semble bien qu'il m'a dit qu'avant même de créer l'univers, il fallait réfléchir... plus profondément à ce dont je voulais parler, la structure, les règles même, enfin les règles. Non, on réfléchit pas des règles comme ça dans le vide, dans le vague. Mais pourtant, il y en a qui le font. Non, mais enfin, et je crois que c'est vraiment lui qui m'a dit. Et là, du coup, j'ai complètement changé. Je me suis dit, mais non, en fait, je vais faire autrement. Et du coup, après, j'ai débarqué sur Silent Drift. Et toi aussi, ça a commencé comme ça. T'as vu qu'il y avait un Frédéric de Poitiers. Tu l'as pris pour Timéo, toi aussi. Et... Non, c'est pas ça. Non, non, bah non, on s'était rencontrés avant. Je suis pas sûre. Non, je sais plus. Bon, bref. Enfin, il me semble bien que t'étais là à cette convention, mais moi, j'avais pas, on s'était pas du tout parlé. Possible. Voilà. Et donc, bon, vous avez bien compris qu'ici, vous êtes dans un clan du côté obscur de la force, oui. parce que les gens, quand les jeux système d'un côté, univers de l'autre, nous, on va pas trop vous vanter ça. Nous sommes ce que les ignorants appellent des narrativistes. Ouais. Mais vas-y. Non, juste, je voudrais dire que moi, personnellement, je dis pas que c'est mal de créer l'univers et puis de mettre un système par-dessus, mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Voilà. C'est pas l'expérience du jeu de rôle qu'on aime. Voilà, c'est pas l'expérience qu'on aime. Mmh. Mais après, s'il y a des gens qui. Même si dit comme ça, ça paraît. Mais non. S'il y a des auteurs qui. S'il y a des auteurs. Des auteurs qui aiment faire autre chose, et bien. Et puis qu'ils y prennent du plaisir, pourquoi pas. Bah oui, oui. C'est ça, l'important, c'est de savoir qu'il y a différentes manières de faire. Et... Il y a un autre concept dont on n'a pas parlé qui me paraît super important, c'est le fameux système Does Matter. Donc le système est important. Qui est l'origine du test. Ouais. Alors je vais peut-être mal expliquer, mais je vais tenter. C'est l'idée que si on veut pouvoir faire un jeu qui va nous proposer justement une expérience intéressante, il faut qu'on puisse suivre les règles en fait du jeu qui sont proposées et pas simplement faire un peu comme on a envie au bon loisir du MJ ou quoi que ce soit, mais que si tout le monde respecte les mêmes règles, on va pouvoir avoir une expérience de jeu satisfaisante pour tout le monde. Il y a un truc assez parlant dans l'article de Ron Edwards, le système est important, qui est quand un joueur dit ouais moi mon MJ il est capable j'allais le dire non, vas-y dis-le bon MJ il est génial, il est capable de nous faire jouer tout ce qu'il a envie avec son système favori. Et donc ce que dit Ron Edwards, c'est oui, mais s'il avait un système adapté précisément à ce qu'il veut faire, ben non seulement ça ferait probablement une économie d'énergie et de temps. Et en plus moi, c'est l'exemple type que je prends pour mes jeux. C'est que ce que j'aime, c'est quand je n'ai pas à penser à autre chose que le cœur du jeu. Voilà. Quand je suis MJ, comme quand je suis joueur, je n'ai pas envie d'avoir à me dire « Bon, là, j'ai le choix, mais il vaut peut-être mieux que je suive le scénar. » Ou alors, là, en tant que MJ, bon, ben, cette règle, peut-être qu'il faut que je la mette de côté, parce que sinon, ça va faire aller la partie dans un sens qui ne me plaît pas. Ou là, s'ils font ça, ça va foutre en l'air cette partie-là de mon scénario. Tout ça, ça, j'ai pas envie d'avoir à y penser. J'ai envie de créer des jeux où je peux me concentrer sur vraiment ce qui se passe, la situation, les enjeux. Je peux donner un exemple très précis, c'est dans Donjons et Dragons, et c'est d'ailleurs une discussion qu'on avait avec Cédric cet après-midi, le poids de l'équipement. Dans Donjons et Dragons, on a le poids influence, selon notre force, on peut porter des poids différents. Et pour une quête politique, parce que dans Donjons 3, on peut tout faire, c'est pas que du PMT, dans une quête politique, on s'en fout du poids qu'on porte. Un MJ pourrait vite être tenté de dire bon bah le poids porté les gars on s'en fout et puis voilà quoi, c'est pas l'important. Bah ouais, mais si plus tard il y a une quête dans un donjon et que tu rajoutes le poids porté d'un coup, tes joueurs ils vont faire la tronche. Et donc bah voilà, effectivement comme tu disais, t'es en plein dilemme, t'es en train de devoir faire du game design dans ta tête à te dire alors est-ce que je remets le poids tout de suite, est-ce que je remets plus tard. Et un jeu est meilleur dans la mesure où il ne bouffe pas le temps de ton MJ, c'est aussi simple que ça. Ton MJ il a une vie à côté, il a peut-être des gosses, un boulot. Je trouve qu'une expérience est meilleure à partir du moment où il y a des règles qui sont connues de tous, qui sont comprises par tous et respectées par tous, et ça limite les moments où on peut se dire qu'il y a eu un peu d'arbitraire de la part du MJ, même si le MJ ne l'a pas voulu d'ailleurs. Et s'il a fait preuve d'arbitraire à un moment dans sa décision, parce que bah, finalement il a adoré le roleplay de la personne, et puis d'un seul coup il va se mettre à la favoriser plus qu'une autre, et je trouve que le fait d'avoir des règles, ça permet une expérience... d'avoir des règles bien claires qui sont pas modifiables comme on veut, ça donne une expérience très saine. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de ce qui, enfin, on est tous ok quoi, on connaît les règles et on sait à quoi s'attendre. On n'est pas pris en... D'ailleurs, je pense que le maître du jeu du coup devient un joueur à part entière à ce moment-là, parce que du coup il peut, comme tu dis, se concentrer vraiment sur l'expérience de jeu, et même s'il a des responsabilités différentes que les autres joueurs quand il y a un MJ en l'occurrence, mais ça permet vraiment aussi de pouvoir profiter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de MJ, alors je pense qu'ils aiment ça, hein, mais qui finalement aiment plus cette position où ils essayent de faire effectivement une sorte de game design en permanence pour essayer que le jeu fonctionne et pour que les joueurs soient contents, mais finalement qui retirent pas forcément autant de plaisir qu'ils voudraient de leur propre expérience. Le game design il est séparé de la partie. Je faire les deux en même temps, pour moi c'est l'horreur quoi. Mais même dans la préparation, si tu vas faire le game design dans la préparation de la partie, ça va pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce travail Après, c'est toi qui parle des techniques de MJ. Il se trouve qu'il y a des MJ qui, à force de pratiquer des jeux, ont leurs techniques et finalement ils les appliquent et ça roule tout seul. Ah oui, bien sûr. Ça devient des règles pour ça eux. Ça devient des règles. Ouais. Donc, ça, ils ont créé leur système. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas. On peut tout à fait avoir un jeu fonctionnel. Il y a des gens qui parviennent à faire des choses tout à fait fonctionnelles avec leurs techniques et ça fonctionne très bien. Et on n'a pas l'impression que tout le temps on est soumis à l'arbitraire du MJ. On comprend comment ça fonctionne. Il a tellement je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, dans ce cas-là, ce sont les gens qui sont formidables, pas les jeux. Peut-être d'où le y a-t-il des bons ou des mauvais MJ Tout le monde le sait. Le meilleur, c'est moi. mais oui. Et ça me permet de rebondir sur une autre notion que je trouve intéressante, c'est que quand on est on parlait de création de jeux de rôle, moi ce que j'aime bien c'est que les joueurs sont aussi des auteurs en fait du jeu de rôle. Ça souvent on a tendance à l'oublier, même si je dis un peu l'inverse justement ce qu'on dit avant avec le système Does Matter, mais il y a quand même l'idée aussi que en tant que joueur, et même j'inclus le MJ quand il y en a un, en fait pendant la partie on est vraiment auteur, on invente des choses et on a souvent tendance à mettre tout l'accent sur le livre de jeu de rôle, sur le texte, sur les règles, alors qu'en fait la partie elle se joue vraiment au moment où on... Oui. Et d'ailleurs c'est tout à fait, et c'est souvent une mécompréhension totale du GNS, parce que dans le GNS, on rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, le big model est quand même la base du GNS, et dans le big model c'est le contrat social qui englobe le tout, y compris le système de jeu. C'est ça, si un jeu soutient une démarche ludiste par exemple, compétition recherche de performance pour vaincre, pour gagner à la fin, etc. Et si les joueurs sont vraiment déterminés à ne pas aller dans cette direction, ils ne feront pas du ludisme. C'est ça. C'est ouais. Comme le bon MJ, qui est un MJ qui a son système où il est conteur, où il raconte bien, parce qu'en plus il est bon conteur, mais sauf que s'il arrive avec un de nous quatre, ça va lui faire tout drôle. Parce que nous, notre contrat social, il ressemble pas à ça. Non. Et le mec, ça a beau être Tolkien et de faire des descriptions de dingue, bah, je vais le regarder avec des yeux ronds comme des billes et je vais lui dire qu'est-ce que tu fais. Moi, j'aurais une autre remarque à faire, mais en plus, sur un truc que j'ai noté, donc c'est cool. Fred, tout à l'heure, disait que souvent, on crée des jeux en s'inspirant des fictions qu'on apprécie énormément. Et moi, je trouve que la grille de lecture des théories forgiennes, ça va permettre de disséquer ces fictions, de comprendre pourquoi on les aime, et qu'est-ce qu'on a aimé dans cette fiction. Est-ce que c'est plutôt la compétition entre les personnages, ou est-ce que c'est plutôt les enjeux entre eux, d'émotions, hein. Et du coup, eh ben, on va essayer comme ça, petit à petit, on va disséquer. Enfin, non, en tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé. Oui, non, mais c'est exactement. J'ai vraiment disséqué, je me suis inspirée de trois fictions, principalement pour mon jeu, et je les ai disséquées pour comprendre c'est quoi qui me plaisait vraiment là-dedans, et essayer. Par la grille de lecture, mais pas d'ailleurs que par les grilles de lecture forgiennes, ça peut aussi être par simplement de le commentaire d'une œuvre sert, je trouve, pour créer son propre JDR, parce qu'en commentant une œuvre, on va mieux comprendre son fonctionnement, mieux comprendre les problématiques qu'elle soulève, et on va pouvoir refoutre ça dans son propre jeu. Ouais, je pense, juste pour conclure là-dessus, que les théories forgiennes ne sont là que pour inviter les gens à analyser et à réfléchir à ce qu'ils font, c'est tout. Ouais. Bah, je vais faire une petite application pratique, là. Je me lance à la volée. Moi, c'est mon truc du moment. Hein. J'ai vu le Batman v Superman, je l'ai bien aimé, malgré que tous ses côtés mauvais. Bon, il est bourré de défauts, je vous le conseille pas, mais moi, j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'on peut l'aimer pour différentes raisons. Est-ce qu'on aime voir des mecs en slip, avec des slips sur le pantalon, se friter la gueule? Donc là, on fait un jeu simulationniste. Comment est-ce qu'on peut émuler un truc de super-héros? C'est ça le jeu qu'on veut faire, si c'est ça qu'on a kiffé dans le film. Si dans le film, ce qu'on a kiffé, c'est le côté philosophique, dilemme, affronter un dieu quand on est un homme, etc. Là, on va plutôt faire un jeu narrativiste. Et si ce qui nous plaît, c'est le plan que va monter Batman pour péter la tronche à l'autre qui est quand même surpuissant et qui est divin, Superman, et toutes les stratégies, les petits plans, et là je vais mettre des trucs sonores, etc. Là, on va faire un jeu ludiste. Et en fait, l'analyse de ce film par le biais du GNS nous permet déjà d'avoir une idée du type de jeu de rôle, enfin, ou de type de pratique de jeu de rôle qu'on a envie d'encourager à une table. Tout à fait. Moi, j'ai une grille de lecture que j'applique pas mal. J'en ai fait un article sur mon blog. C'est quelle est la question dramatique que pose l'histoire dont on s'inspire. Donc, ce que j'appelle question dramatique, c'est par exemple, le héros va-t-il parvenir à atteindre son objectif ou non ? Enfin, le héros, le protagoniste, le ou la protagoniste, va-t-il atteindre son objectif ou non à la fin de l'histoire ? La deuxième, c'est le ou la protagoniste va-t-il ou elle... Bon, je vais arrêter, ça va devenir compliqué à comprendre mes phrases. Donc, le protagoniste va-t-il... que va-t-il sacrifier pour atteindre son objectif et va-t-il faire le sacrifice ? Ça, c'est la deuxième question. Voilà. Okay. Et la troisième, c'est on sait que le héros va parvenir à atteindre son objectif ou pas à la fin. On le sait déjà. Parce que tout dans la structure de l'histoire tend vers ça. Mais comment va-t-il y parvenir ? Et quel sens ça va produire finalement les actes qui vont lui permettre d'y arriver ? Et on a pas mal d'exemples de fiction. Alors c'est ma grille de lecture, mais j'ai des lectures qui m'ont amené dans cette direction. C'est pas moi qui pouf. Je pense par exemple à l'effet personnage dans le roman de je crois Vincent Jouve, qui est un universitaire français. C'est pas le proprio de Lulu ? Non. Non, pardon. Non, c'est que lui, comme imprime avec une imprimerie qui s'appelle Jouve, ouais, c'est d'où ça, la blague. Non, c'est un homonyme. Bon, après, ils sont peut-être de la même famille, j'en sais rien. Mais qui propose par exemple l'idée que dans certaines fictions, mais pas dans toutes, on sait très bien comment ça va se terminer bien avant la fin, voire même des fois au tout début. Voilà, moi, quand j'ai lu Bilbo le Hobbit, ben, il m'a pas fallu lire trois pages pour savoir comment ça allait se terminer. Et en plus, le titre anglais, c'est « Histoire d'un aller-retour ». Donc, moi qui reviens dans un cercueil... Non, c'est Mélancolia de Lars von Trier. Pardon ? C'était Mélancolia de Lars von Trier. Mélancolia de Lars von Trier. La scène d'intro, c'est la fin du monde, on le sait. D'accord, voilà. Et le but, c'est de savoir. Après, des fois, c'est même pas annoncé, c'est vraiment dans les codes du genre. Ah oui, ok, que... d'accord, je vois ce que tu veux dire. Quand tu lances un Tintin, tu regardes 2 minutes d'un Tintin, même si tu connais pas, tu sais qu'à la fin, il va réussir l'enquête. C'est ça. Mm-hmm. Et One Piece, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, c'est flagrant, parce qu'en fait, dans One Piece, chaque héros combat un méchant différent, et on sait que chaque héros va gagner. Et c'est vraiment c'est, une fois qu'on a vu un arc de One Piece, on sait très bien comment ça va se passer. Il y a une exception à un moment, bon, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment on parle du seul moment du manga où il y a un perso qui meurt et où on fait comme si c'était la fin du monde. C'est ça. Mais dans Buffy, ce qui est bizarre, c'est que dans les premières saisons, elle gagnait toujours, on était sûr, puis à un moment donné, bah non. Ouais, et ça c'est la trahison. Ça peut faire un choc assez fort. Mm. Et donc ça, moi, c'est un élément très très important dans ma création de jeux de rôle. C'est qu'en général, quand il y a une fiction qui me frappe, je me dis, oh, j'ai trop envie de jouer à ça dans un jeu de rôle. Mais à ce moment-là, j'applique comme ça ces grilles de lecture. Puis je me demande aussi parfois des éléments de conflit ou des éléments au contraire de non-conflit. Je me dis, comment est-ce que je pourrais amener ça dans mes parties? À chaque fois que je crée un nouveau jeu, je réfléchis tout du début pour pouvoir vraiment amener les spécificités des fictions qui m'intéressent, parce que pour moi, ce qui m'importe le plus vraiment, c'est les spécificités de l'interactivité de chaque expérience rôliste. Et c'est ça que j'ai envie de produire dans chaque jeu. À chaque fois, il y a une dynamique différente de créativité entre les joueurs et d'interactions différentes avec les règles, avec les mécaniques, avec le matériau de la fiction. En fait, il faut vraiment distinguer les deux, on va dire, les deux façons de faire. Tout à l'heure, on parlait d'un jeu de rôle qu'on construit à partir d'un univers. Nous, c'est pas ce qu'on défend, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est l'idée qu'on crée d'abord un univers, et ensuite, on va prendre des personnages qu'on va créer, et qu'on va les mettre dedans. On va les mettre dans ce bac à sable, et puis on va voir comment ils se débrouillent. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, le jeu de rôle traditionnel. Et il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir à faire ça. Nous, ce qu'on aime, c'est en fait créer des jeux de rôle que j'appellerais organiques. C'est-à-dire qu'en fait, on part pas de l'univers, mais en fait on part de l'histoire qu'on veut raconter avec les joueurs, ce qui fait qu'en fait finalement c'est presque une vision solipsiste, c'est-à-dire que c'est les joueurs c'est les personnages qui font que l'univers se crée autour d'eux pour pouvoir permettre l'expérience qu'on a envie de... Il a placé solipsiste. Et moi, pour soutenir Gaël dans ce qu'il dit, mon propre jeu, c'est comme ça que je l'ai créé. J'ai d'abord créé l'histoire d'un personnage qui me plaisait. Mmh. Et je me suis dit, ce personnage, je vais le relier à un autre. Et donc, j'ai écrit son histoire. Puis j'ai écrit, puis petit à petit, j'ai eu un tout. Il faut savoir que ton jeu, Mélanie, c'est un peu comme Lady Blackbird. C'est un jeu qui est, enfin, je me comprends, hein, mais qui est pas mal organisé autour de certains personnages clés que tu as préécrits. Oui, c'est même plus que ça. C'est que tout tourne autour de ces personnages. Voilà. C'est juste pour préciser, vu que les gens sont pas encore au courant. Ouais, et aussi pour éviter les incompréhensions, quand vous dites basé sur une histoire donnée, ça veut pas dire que l'histoire, on connaît à l'avance comment elle va se dérouler. C'est juste une structure en fait, plutôt que par exemple. L'exemple que je pourrais donner, c'est si on prend par exemple Lady Blackbird, le jeu a une situation initiale qui est déjà écrite, donc avec des personnages joueurs déjà écrits, et donc des enjeux déjà présents. Mais c'est pas tout ce qui compte. Ce qui compte aussi, c'est que la manière dont on partage par exemple la narration et dont les mécaniques du jeu fonctionnent font que les rebondissements, les révélations, etc. vont arriver d'une certaine manière. On va pas avoir la même chose quand on va jouer à d'autres jeux comme Zombie Cinéma ou comme ou même Prosopopée. La structure va être très différente, mais on a une très grande liberté de jeu malgré tout. D'accord. Ma foi, c'est super intéressant tout ça. On a dépassé l'heure de podcast, c'est un des plus longs qu'on ait fait dans la cave. Moi, j'ai encore deux questions à vous poser. Est-ce que vous avez encore ces deux petites questions troll, un peu de conclusion? Est-ce que vous avez des derniers trucs à rajouter avant qu'on entame la conclusion? Voyons voir. Ils ont pris des notes et tout, ils sont sérieux. Non, moi, je crois que j'ai à peu près vidé mon sac. Mon sac est un sac sans fond. Je ne sais pas trop si on a abordé la question de est-ce qu'on fait un jeu pour se divertir? Est-ce qu'on crée un jeu pour se divertir? On en a parlé au début. J'ai parlé de est-ce qu'on voulait exprimer un propos ou est-ce qu'on le faisait pour s'amuser. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas clarifié ce qu'on entendait par propos, vs divertissement. Je crois qu'il y a une incompréhension autour de cette histoire de propos. Ouais, donc ce serait peut-être bien quand même que. Je suis pas sûr. Je pense que ça peut faire l'objet d'un podcast entier. Hein. On va faire ça vite. Au moins, les notions principales. Ouais. Alors, derrière l'idée du propos, à mon avis, il y a quelque chose d'un peu glissant. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on écrirait un jeu à partir d'une idée ou d'un message, comme s'il y avait un message derrière le jeu. C'est ça. Ouais. Et je pense que c'est. Ça se passe pas forcément comme ça. À mon avis, on part plutôt sur des intuitions, des envies, des sensations, des choses comme ça. Et après, le fait qu'il y ait une possible réflexion amenée par le jeu, à mon avis, c'est selon la manière dont l'expérience est produite, en fin de compte. Ou même l'univers, si on crée un jeu à univers, parfois dans l'univers contient en lui-même une problématique. Moi, je raisonne plutôt en termes de problématique, c'est-à-dire les questions... Ouais. Qui peuvent être soulevés par le... Et justement, ça me rappelle une conversation qu'on avait eue, que j'avais trouvée géniale. Tu me disais, le propos, donc c'est une proposition, c'est une problématique, c'est quelque chose où il n'y a pas de réponse. Ouais. Si dans ton machin, il y a une réponse de qui est gentil, qui est le méchant, ce n'est plus une œuvre d'art, c'est plus une proposition, c'est de la propagande. Et j'ai adoré cette distinction. Si tu donnes ton message et ta réponse toute prête, toute cuite dans la bouche... Comme sens. Comme Star Wars. Alors, sens, tu... Trop lolo. Je peux pas spoiler la fin, mais elle est beaucoup plus ambiguë que ça. Okay. C'est pas Star Wars. Je prends un exemple typique, les fictions de Lars von Trier. Il y a des questions, mais alors personne n'est incapable de dire qui... Enfin, il y a des gens qui s'affrontent sur des théories. C'est pour ça que ces films sont autant considérés comme des œuvres d'art, je pense. Non, il y en a qui considèrent que c'est de la merde. Hein. Il y a des gens qui la double étiquette est courante. Hein. Non, mais en tout cas, il est clair que enfin, je pense que personne peut dire vraiment ce que ressent. Bon, si moi j'ai ma théorie, mais tout le monde a sa théorie justement, parce que c'est vraiment difficile de dire. Il répond pas, il pose plein de questions, mais il dit pas ce qu'on doit penser. Il ne nous enferme pas dans ce qu'on doit penser de ces personnages. On peut penser que c'est des ordures, qu'au contraire ils ont des raisons d'agir comme ça, que nous on aurait fait comme si, pas comme ça. C'est vrai qu'il y a un côté très documentaire à la striptease un peu, où on te montre les gens les plus dégueulasses comme ça. Je le filme sans filtre, mais sans musique. Mais malgré tout, pour moi c'est exactement ce qu'a dit Fred, c'est ça le propos. C'est pas de faire passer un message. C'est vrai que les gens ont tendance à dire un propos, il y a un message. Oui. Et non, en fait il y a un message, on n'est pas... C'est pas une religion. C'est pour ça, oui, souvent on va parler d'embrigadement quand on parle de propos, donc c'est pour ça que je voulais bien réinsister là-dessus. S'il y a une proposition qui n'est plus une question, mais qui a une affirmation, on est dans la propagande. Là. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse le plus sont les œuvres de fiction à problématique, c'est-à-dire qui posent un problème sous la forme d'une question. Et les jeux de rôle qui me plaisent le plus sont souvent comme ça. Bon, après je dis plein de choses, il se trouve que mon jeu prosopopée n'est pas forcément dans canonique par rapport à tout ça. Je vais nuancer un peu, c'est-à-dire que la propagande, ça dépend, c'est un peu comme l'ennemi et l'allié, c'est-à-dire que ça dépend de quel bord on se place. Forcément, quand on est dans du drame, là effectivement, généralement, il n'y a pas de. On pose des questions, on n'y répond pas. Par contre, quand il y a de l'épopée. On laisse les joueurs apporter leurs propres éléments de réponse. Ouais. Mais dans l'épopée, par exemple, c'est possible, bêtement en jeu de rôle, de dire le jeu, il nous dit si tu veux réussir, il faut faire ça. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément la propagande, ça dépend en fait si on est en accord. J'ai envie de dire presque politique avec le jeu. C'est-à-dire si le jeu défend, je pense à Fatal par exemple, des valeurs auxquelles on adhère pas du tout, on va plutôt parler de propagande. Par contre, si c'est, je sais pas, un jeu qui va apprendre plus, je sais pas moi, l'écologie ou ce genre de choses, c'est pas forcément de la propagande. Mais c'est vrai qu'il y a là, on est quand même. On a d'autant plus tendance à croire qu'un jeu ou un propos ou une problématique, un propos est neutre. Qu'on est déjà d'accord avec lui. Et peut-être qu'on pourrait essayer de distinguer du divertissement, si quelqu'un se sent le courage de parler de c'est quoi un divertissement. Ouais. Si on va l'aborder trop de façon superficielle, là, vu le temps qu'a duré le podcast, possible, ouais. soit on multiplie la durée par deux, soit on l'aborde mal. Je préférerais qu'on fasse un autre podcast. On ne sait pas. Ouais. Puis moi, je, franchement, pour un tel sujet, je veux voir un clash synthèse brillant. Bon, en plus, il est pas... enfin, il était en désaccord avec moi. Oui, je sais. On en a parlé, mais c'est... Mais moi, je, voilà, sur un tel mais sujet, j'aimerais bien vous avoir... raison depuis. J'aimerais bien vous avoir tous les deux sur un tel sujet. Ouais. Donc, mes deux dernières questions. Est-ce que... faire une réédition d'un jeu, c'est créer un jeu. Alors, il y en a qui font Joker. Il y en a qui font le distinguo. Donc, est-ce que faire une nouvelle édition d'un jeu, question subsidiaire, c'est faire un jeu? Est-ce que quand on dit dans Donjons et Dragons 5, oh là là, maintenant vous pouvez lancer 2D et garder le meilleur si vous êtes avantagé. Ouais. Est-ce que c'est le paradoxe Sorite? J'ai une question. Oh, paradoxe Sorite, ok. Jérôme, j'ai une question. Tu parles d'un reboot. Je crois qu'il faut vous l'expliquer, le paradoxe Sorite. Ouais, enfin, bah, vas-y, d'abord Mélanie, vas-y. Bah non. Non, non, c'est juste, oui, à partir de quand est-ce que, quand une personne qui a des cheveux, à partir de combien de cheveux perdus, c'est devenu un chauve? Ouais, c'est ça. Est-ce que dans Donjons et Dragons 2 et 3, parce qu'on inverse la classe d'armure et qu'au lieu de se compter en négatif, elle se compte en positif alors que c'est toujours le même chiffre, est-ce qu'on a vraiment fait quelque chose de nouveau? Ouais. Est-ce que parce qu'on a enlevé la limitation de nombre de niveaux selon la race, mais que juste maintenant tout le monde est niveau 20 maximum, est-ce que c'est vraiment un nouveau jeu? Ouais. Voilà, c'est le paradoxe. Oui. À partir de combien d'éléments, si j'en change qu'un, j'ai à peine hacké le truc, j'ai rien fait, j'ai changé un poil de cul. Si j'en change 10, est-ce que c'est toujours le même jeu? Est-ce que c'est un nouveau? Ouais. Mais du coup, moi j'ai une question à te poser. Si tu parles d'un reboot ou tu parles d'une réédition? Je parle, alors, y a la différence. Il y a des gens qui font des rééditions, donc Toulouse 7ème édition. Et pour moi, c'est une réédition. D'ailleurs, la preuve, c'est toujours compatible avec les 6 premières. Donc, c'est pas les 3 améliaux pourris. Je suis désolé, enfin, faut arrêter de me dire que c'est des innovations, c'est de la merde qui sont dedans. Non, je suis désolé, c'est nul. C'est pas parce qu'ils ont rajouté 2 modes pour pouvoir jouer Pulp. Et qu'ils ont vaguement encouragé le contrat social. Mais ils ont fait des meilleures illustrations. En fait, je sais pas si les gens se disputent sur cette question. Moi, si je prends dans le cinéma, il y a par exemple Funny Games de Haneke. Et ben, il a fait le film 2 fois. Il a fait le film une première fois avec des acteurs, il me semble, de sa propre nation. Je ne saurais plus dire laquelle. Allemand. Hein ? Il n'est pas allemand ? Enfin, en tout cas, oui, enfin, je veux pas dire de bêtises, donc je vais éviter de dire une connerie. Ouais, ok, moi aussi voilà. Et puis ensuite, il a fait Funny Game US avec des acteurs américains. Donc pourquoi j'en parle là maintenant? C'est parce que, en fait, c'est. Ah non, c'est complètement relié, vas-y. En fait, moi, je trouve que les deux films ont leur qualité, et j'ai même pas envie de me battre avec gens, ouais, c'est le premier qui est bien, ouais, c'est le deuxième qui est bien. En fait, c'est pas joué de la même manière, c'est pas tout à fait les mêmes. Des intentions différentes. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes codes aussi. Le jeu est sensible. Et pourtant, des fois, c'est les mêmes cadrages. Il y a énormément de choses ça qui sont très similaires. Ça me fait penser à Ju-on et The Grudge, qui ont été faits par le même réalisateur, oui, en version japonaise et américaine. Voilà. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal au cinéma, des cinéastes qui vont refaire le même... Enfin, certains cinéastes qui vont refaire leur propre film. Et donc, faut-il se disputer là-dessus? J'en sais rien. Non, mais du coup, la réponse du paradoxe Sorite, moi, ça me semble intéressant. Et du coup, c'est vrai que... Ouais, du coup, c'est complètement lié, oui. Ouais. Après, pour le cinéma... Moi, je prends plaisir à voir les deux films. Je pense que la réédition, du point de vue du cinéma, ce serait simplement un director's cut. Une version améliorée, mise à jour en HD ou ce que vous voulez. Ouais. Alors que pour comme moi, Fighter, la nouvelle. Deux Street Fighter, deux Turbo. Voilà, Street alors Fighter que la nouvelle Alpha, édition, Primo, ce serait vraiment ce qu'on dit, Turbo, avec peut-être le même réalisateur, mais avec. Enfin voilà, on recommence tout à zéro. Bah, du coup, pour moi, c'est super. Enfin, si un réalisateur, enfin, une autrice ou un auteur de JDR a envie de le faire, se dire, ah, je reprends tout à zéro. Mais je vais changer quelques éléments et je suis convaincue que ça va changer l'expérience de mes joueuses et de mes joueurs. Bah, pourquoi pas, oui. Enfin, okay, pourquoi très bien. Pas le faire? Je vois pas pourquoi. Cette réponse me convient. En fait, ce que tu sous-entends, toi, c'est surtout que des fois, il y a un peu de foutage de gueule, non, sur le fait qu'on réédite des jeux alors qu'en fait, il n'y a pas tant de contenu nouveau de ça. C'est ça, en fait. C'est surtout le problème. Parce que faire une réédition, pourquoi pas, effectivement, si vraiment derrière, on a vraiment envie de rajouter du contenu ou qu'on a envie de repenser son jeu, même. Simplement, si le stock est épuisé et qu'on a envie de changer certaines choses. Ouais, d'améliorer la maquette ou quoi que ce soit. Donc, ça, je comprends. Clou, là, la septième, ils l'ont fait pas très très longtemps, vraiment pas longtemps du tout après la sixième. Et ça change pas grand chose. Alors, mais après, on parle de jeux qui sont là pour faire du pognon. Voilà. Je sais pas, franchement. Est-ce qu'ils non, ont... mais je non, sais mais pas. Moi aussi, je veux gagner du pognon, c'est pas le problème. La sixième, je sais plus à combien elle a été imprimée, mais c'est un truc genre 3 ou 6 000 exemplaires, c'est énorme pour un jeu de rôle. Je sais pas s'ils avaient eu le temps d'écouler ce stock-là en aussi peu de temps avant de faire la septième. Auquel non, cas, clairement, il y a une affaire de fric quand même. Là, on est en train de comparer des gens. C'est comme si on comparait à Anneke et puis, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux et version, je sais pas combien. Oui, oui. Voilà. Ou... On peut pas. Bah oui, mais c'est deux aspects du truc et. Est-ce que le Hobbit finalement, c'est pas une réédition du Seigneur des Anneaux? Bah moi, je trouve. Hein. Complètement, mais oui. Oh là là, on sent qu'il. Hein, non, c'est un reboot. Il est tard, ouais. Ouais, il est tard. Mais... Ça commence à trop laisser. Il est bientôt 1h du mat. Ou un spin-off. Ouais, un spin-off. Bon, allez, une dernière question. Et puis après, à moins que vous ayez des trucs à rajouter, on pourra clore. On verra. À partir de quand? C'est une question qui était posée très récemment sur Discussion de Rôliste. Encore une fois, les gars, petit clin d'œil. Les trois qui nous écoutent. Et on nous posait, d'ailleurs, tu as dû la voir, Gaël, je crois que tu as répondu, on nous demandait à partir de quand est-ce qu'on est un auteur de jeux de rôle? Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un comme un auteur ou une autrice? Bien, je pense que... Moi, j'étais assez d'accord avec la réponse de Grégory Privat, mais j'attends de voir ce que vous dites. Moi, je pense qu'on peut tout à fait écrire, par exemple, un roman ou des nouvelles dans son coin, sans les publier. Est-ce que on est auteur de nouvelles ou de romans? Bon, est-ce que il faut être publié pour ça? Je sais pas. Il y a eu, d'ailleurs, ce débat a eu lieu sur Google Plus dans les communautés indépendantes anglophones. Tout le monde se pose la question, en fait. C'est ça. je sais pas ce que ça veut dire en réalité. Oui, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Comme moi, je trouve que cette question n'est pas intéressante. C'est-à-dire que c'est comme si en fait le fait d'avoir une sorte de statut d'auteur qui sort de nulle part serait prestigieux ou quoi que ce soit. Alors que, enfin, moi, c'est pas sacre. C'est pas une question que je me pose le matin en me disant est-ce que je suis un auteur. Enfin, non. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que je publie des jeux? Ça, c'est une question. Oui, j'ai envie de publier des jeux. Est-ce que j'ai envie de faire des bons jeux de rôle? Oui, j'ai envie de faire des bons jeux de rôle. Est-ce que j'ai envie d'être auteur? Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, je rejoindrai, je pense que c'était la réponse de Grégory, je sais plus, mais je fais la même réponse que quand on me dit est-ce que ton jeu c'est du jeu de rôle? C'est finalement à la personne de décider, à mon avis, de se dire ouais. Si la personne se dit bah moi je me considère comme un auteur, bah, on respecte cette idée là. Et si et pareil, si on nous dit ah moi j'ai fait un jeu de rôle, ouais ça ressemble pas trop à du jeu de rôle ton machin, écoute moi pour moi c'est du jeu de rôle, j'ai envie de le vendre comme du jeu de rôle, j'ai envie de le partager comme du jeu de rôle, donc bah juste faut amener les gens à respecter ça, sans quoi on se trouve toujours dans des questions entre pédanterie et humilité excessive. Ouais, c'est ça. Moi du coup je pensais que j'étais pas d'accord avec toi, mais en fait si. Mais c'est formidable, nous sommes tous d'accord. Non, oui voilà, tenons-nous la main. Non mais c'est qu'en fait il y a aussi, on la retrouve aussi en photo cette question. Qui est photographe? Est-ce qu'on est photographe? Oui, et en plus comme tout le monde peut faire des photos a priori, surtout de nos jours, voilà, donc en fait moi j'ai l'impression qu'on est moi je pense que aussi c'est une question qui est importante en fait, mais pas vis-à-vis du public, c'est vis-à-vis de soi-même qu'elle est importante. Je pense qu'on se considère photographe, auteur, romancier, romancière à partir du moment où on a abouti un truc et on se dit ça je peux le défendre, c'est bon, je suis sûre de moi, je... Là, je pense qu'on peut se... C'est à soi-même qu'on se le dit, en fait. On le dit pas... C'est pas les autres, on s'en fiche des autres. C'est une reconnaissance de soi-même, en fait. Mm-hmm. Et je pense que tant qu'on se reconnaît pas soi-même, quand on dit « Ouais, non, je suis pas trop photographe... » Moi, je dis, quand on me dit « T'es photographe ?» Je dis « Ah non, je suis pas photographe. » Mais parce que moi-même, pour l'instant, j'estime que j'ai pas produit de photos suffisamment pertinentes à mes propres yeux pour dire « Je suis photographe. » Si j'avais fait des photos pertinentes à mes yeux, le monde entier pourrait bien dire que c'est de la daube. Finalement, bah moi, si ça me... Si moi mes photos elles me conviennent, et ben peut-être que je suis photographe à mes propres yeux. Et j'ai l'impression qu'en JDR c'est pareil. D'accord, on est autrice ou auteur. Si on a produit un truc qui nous semble satisfaisant, ben oui on est auteur quoi. Enfin, pourquoi on le serait pas? Sommes-nous à la hauteur? Non mais non. Mais après c'est vraiment une question pour moi psychologique. Enfin moi je pense que c'est pas du tout le public qui est concerné. C'est vraiment son propre ego qui est touché dans cette question là. Mangez pas assez d'ego. Alors, non, mais je me pose pas cette question. Qu'est-ce que ça veut dire si je n'ai rien publié? Me poser la question, est-ce que je suis auteur ou autrice? Je sais pas, en fait, ça m'effleure même pas en réalité. Alors, moi, alors déjà, oui, effectivement, Gaël, ta position, celle que tu as dite, c'est celle de Grégory Priva qui l'avait défendue. On est un auteur à partir du moment où l'on se considère comme tel. Ça rejoint un peu ce que tu disais finalement, une reconnaissance de soi-même voilà, en fait. Mais non, mais en fait, on sait pas qu'on se lève en disant je suis auteur. Mais je pense qu'une fois qu'on a un truc d'achevé, on se dit là, c'est. En fait, ben, si on. Le fait que quelqu'un nous appelle auteur, ça ne va pas être choquant. C'est plutôt comme ça que je vois le processus. Yeah. Alors que quand on a des trucs. Non, je suis pas auteur, parce que je. Non, puis je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un qui écrirait des poèmes et qui n'en est jamais content, qui à chaque fois qu'il les écrit, il les jette à la poubelle. Mmh. À mon avis, tant qu'il n'en aura pas écrit un qu'il aura pu garder sur papier en disant celui-là, ça va, il est fini et je le jette pas. Ouais. Tant qu'il n'aura pas fait ça, il aura du mal à se dire je suis poète. Oui, voilà. C'est vrai. Il aura du mal à accepter qu'on puisse lui dire. Parce qu'en fait, la question se pose, si quelqu'un nous pose la question, en fait, c'est même pas à soi-même. C'est quand quelqu'un nous met ce titre sur la tête. Et c'est, est-ce qu'on se sent à l'aise avec ce titre? En fait, la question, elle se pose uniquement à ce moment-là. Ouais. On se lève pas tous les jours en disant « suis-je auteur ?» C'est quand quelqu'un va nous dire « tu es photographe, tu es autrice ». Et bah, moi, je sais que je ne me considère pas du tout, parce que quand on me colle un titre comme ça, je me dis « non, pas du tout, du tout, mais genre pas du tout, quoi ». À la rigueur, moi, le seul distinguo que je ferais par rapport à la publication, alors je sais que tout le monde n'aime pas ça ou quoi, c'est la distinction amateur professionnel. Pour moi, si t'as publié quelque chose, même si c'est à 10 personnes, si t'as produit quelque chose et que c'est sorti physiquement, éventuellement commercialement, tu peux te considérer comme professionnel. Là, c'est une définition déjà qui me paraît moins subjective. C'est-à-dire qu'effectivement, amateur ou professionnel, effectivement, professionnel, a priori, c'est un statut juridique. Normalement. Et après, il y a aussi le sens de professionnel dans le sens ah, il est vachement bon dans ce qu'il fait, du coup, c'est un pro. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était les amateurs. Quelqu'un qui était X amateur, c'était quelqu'un qui s'était renseigné et qu'on se disait ah, quand même, il s'y connaît. Mmh. Maintenant, c'est le professionnel. L'amateur, c'est une merde. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que amateur, c'était quand tu avais une photographie dégueulasse dans les films de boules. Pardon. Ok. Tu ne vas pas finir cette phrase. Non, mais c'est quand même complètement fou parce que, enfin, ce que tu disais, Gaël. D'ailleurs, des films porno amateurs sont mis sur le marché, quoi. Enfin, souvent. Oui. Oui. Donc. Oui. Alors, ils sont professionnels ou amateurs? Quand un film porno se dit amateur et qu'il est vendu en DVD. Ouais, c'est ça. Alors. Ça signifie. Alors, messieurs les théoriciens de la profession. Bon. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, Gaël, sur le côté auteur et prestige que certains voudraient y mettre. Ouais, moi, j'hallucine du nombre de branle-nouilles. Je suis désolé, je les appelle comme ça. De toute façon, ils ne nous écouteront pas. Qui viennent. De toute façon, je bloquerai les commentaires, ils sont filtrés. Je suis désolé, branle-nouilles qui ont répondu. Un auteur, il doit avoir publié un truc et il faut que ça ait été un succès. Sinon, c'est pas un auteur, c'est un bide. Oui, non, mais après. Surtout un succès pour qui, pourquoi, dans les quel. Les gens qui répondent on ça. On peut avoir un succès d'estime. Oui, les gens qui répondent ça, c'est absolument atroce. Ça signifierait qu'il y a des œuvres particulièrement remarquable du cinéma, par exemple, parce qu'elle n'aurait pas eu de succès, et ben qui seraient pas des œuvres et les cinéastes seraient pas des auteurs. Et combien d'œuvres d'art ont été et complètement voilà, ignorées complètement, quand elles ont été faites et... Voilà, c'est complètement, c'est pas possible d'être. Vermeer a été découvert après sa mort sur le tard. Enfin, les gens qui disent ça vraiment, enfin, je suis désolée, hein, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais c'est une étroitesse d'esprit qui est. Oui. Qui est horrible, quoi. Ah oui, non, mais clairement. Non, mais horrible, en plus. Oui, voilà, ces gens-là se rendent pas compte à quel point ils sont étroits d'esprit et méchants, en fait. Enfin, ils sont. Voilà, quoi. C'est des personnes. Franchement, si t'as pas vendu autant de films que Michael Bay, t'es pas un cinéaste. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est très bizarre. C'est... D'ailleurs, vendu des films, c'est un peu con. Ouais. Enfin, si t'as pas fait autant d'entrées, plutôt. Oui. Non, mais tout le monde sait que Terminator 2, c'est mieux que Lars von Trier parce que ça a été plus vu. Mais oui. Après... Mais c'est tout à fait ça. Oh là là, on sent qu'on approche la qualité du mat. D'une œuvre s'estime au nombre de personnes qui l'ont regardé en mangeant du popcorn. Et ceux qui ont été 5 étoiles sur Allociné. Ah, c'est ça. C'est primordial. Et puis surtout, t'es le 7 jours. Mais en plus, c'est compliqué cette histoire de reconnaissance parce que peut-être que parfois on produit quelque chose et bah voilà, on vit dans une époque où ça peut pas être compris, où ça peut pas être estimé, où... et puis bah finalement, bah, 30 ans plus tard, on va découvrir le truc, en fait on va trouver que c'est extraordinaire. Bon, je pense que c'est un peu un mythe, hein, ce que je suis en train de raconter, je pense pas que ce soit si vrai que ça. Tu rigoles, mais moi je lisais un truc l'autre jour, je crois, alors je veux pas dire de bêtises, hein. Ça se trouve là je vais dire une connerie énorme, parce que je me gourre complètement d'époque et de contexte et de personne, mais il me semble que c'était les poètes français là, de toute la petite clique là, Verlaine, Rimbaud et tous les potes là, tu sais, tous ces gars qui traînaient ensemble là, à un moment, et qui traînaient avec Joseph Moreau de Tours, avec enfin voilà, toute la fête, et apparemment ces gens là bah, ils vivaient quand même, ils avaient pas trop de sous, hein, ils auraient pas été bourgeois ou avec des mécènes, personne les lisait en fait, apparemment, de leur vivant, quoi. On lisait des espèces de trucs. En plus, pendant longtemps, les créations artistiques étaient seulement vues ou lues dans un cercle assez restreint. En effet, à l'époque du mécénat, les artistes eux-mêmes étaient souvent des bourgeois, ou d'extraction bourgeoise en tout cas, même s'ils n'avaient plus forcément beaucoup d'argent, parce que les personnes qui sortaient des classes laborieuses n'avaient pas la possibilité de s'adonner à une activité artistique. Donc, finalement, la notion de popularité est récente. Et finalement, c'est Bourdieu qui dit que le système de l'audimat, aujourd'hui, est devenu la loi pour absolument toutes les productions culturelles. Et les œuvres, alors que les œuvres que l'on considère comme les plus hautes créations de l'humanité, on peut dire les œuvres de Flaubert, de Delacroix, toutes les autres, ont été toutes créées dans une optique absolument contraire à celle de l'audimat, c'est-à-dire au contraire par la reconnaissance de leur père peintre, romancier, etc. Et c'est quelque chose qui finalement se perd beaucoup depuis l'avènement de la télévision et de l'audimat, où le succès se compte en termes en nombre de ventes et en nombre de vues. Et voilà. Et puis Bourdieu trouve ça. C'est dans une de ses interviews sur la télévision qu'on peut trouver sur YouTube. Je vous la conseille vivement. Où justement il regrette énormément que cette façon de concevoir le succès et pris le dessus sur tout le reste. Mais moi, je trouve que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à soi, en fait. C'est, est-ce qu'on aboutit sa démarche ? On va forcément être aidé par des gens autour de soi. Enfin, on n'est pas tout seul devant son truc à s'auto-flageller ou à s'auto-féliciter. Ça n'a pas de sens. Enfin, peut-être que ça en a, mais voilà. Enfin, c'est bizarre. Comment ça s'appelle BHL, ça en a. Non, mais ce serait étrange. Mais si, enfin, moi, je trouve que c'est exactement ça. C'est pas la reconnaissance ou la reconnaissance extérieure d'un certain public, mais pas de tous. Mais c'est ça, en fait. C'est. Mais du coup, oui. Enfin, le mesurer. Qu'est-ce que tu as dit C'était un succès d'estime. Je sais pas. Il a dit quoi, le mec? Un succès d'estime, non? Non, le mec là, il a dit quoi pour dire que. Il fallait que ce soit publié et que ce soit un succès. Ou que. Enfin, il a dit un truc. Il y en a plusieurs. Ouais, il y en a eu plusieurs. Donc voilà, ça correspond exactement à ce que Frédéric dit sur le fait que. Enfin, non, c'est pas possible. Ouais. Ah, jusqu'à aujourd'hui même, hein, d'ailleurs. T'en as eu un beau, là, Gaël. Oui. On citera personne. Bon. Eh ben, je pense qu'on a. On a fait le tour, ouais. Ah, ouais, franchement, c'est... Bah, je suis très content. En tout cas, merci à vous. C'était un podcast que j'ai trouvé assez passionnant à enregistrer. Ouais. Même si on a digressé dans tous les sens. Ouais c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est comme je disais. Tu vas pouvoir faire un titre à tiroir, en fait. Ouais, mais en même temps, c'est ce que je disais à Romaric quand j'ai lancé les releases dans la cave. Le but, c'était de retrouver les digressions dans tous les sens qu'il n'y a plus à la cellule, enfin, qu'il y a de moins en moins. Donc là, je pense que c'est mission accomplie. Bah, du coup, bisous les gens, à bientôt. Ouais. À bientôt. Salut.